Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. Soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique sur les ondes de CJMDFM 96.9 à Lévis. Et oui, mesdames et messieurs, une grosse émission qui s'en vient dans vos oreilles. Parce que là, il y a vraiment du monde dans les studios. Et là, ça sonne en plus, et c'est incroyable. Là. Très occupé aujourd'hui. Écoutez, grosse émission à Puissance Maximale cette semaine parce qu'on a un chroniqueur, même deux, en place aujourd'hui. Un qui n'est pas supposé faire de chronique, mais vu que c'est sa fête, on a dit « Viens prendre de la bière avec nous ». Et on a des annonces à vous faire, on va vous parler de nouvelles et bien évidemment on va vous parler de bière parce qu'on est le dernier mercredi du mois, donc c'est la chronique bière de monsieur Éric Lajeunesse. Salut Éric, comment ça va? Ça va très bien. Et là, on va parler de quel produit cette semaine? On va parler de la saison framboise de Dunham. Et de la Scotch Ale de la Brasserie Générale. Excellent. De Québec. On a hâte de goûter ça rapidement, là, parce que là, moi, j'ai soif. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, pour la fin de l'après-midi, le soleil plombe directement dans les studios de CJMD-FM. Et présentement, il fait très, très chaud. Et il ne fait pas si chaud dehors, en plus. Donc, j'ai hâte de voir cet été. Et là, vous venez d'entendre M. Julien Materne, notre chroniqueur BD, qui est de passage, donc c'est la fête. Bonne fête, Julien. Merci, bonne fête à toi aussi, Mickaël. Ben merci. Effectivement, nous sommes nés la même date, donc aujourd'hui, 28 mai. Et là, tu es de passage pour boire de la bière, mais tu vas discuter avec nous tout au long de l'émission, puis peut-être un petit... On va reparler comic book un peu plus tard dans l'émission. Il y a Marcus qui traîne, là. Ben oui, ben il y a Marcus et deux snows, qui, là, il a entendu bière, ça fait qu'il est venu s'accoter dans le fond du studio. D'après, Marcus, c'est quand même un peu un requin. Il se met du sang dans l'eau. Ouais. Ça y arrive, lui, sac la bière dans le studio. Andrew, il est pareil, d'ailleurs, quand il va virer à l'émission des deux snooze. Party time! Donc, et vous avez entendu la voix... Tu veux mes éclats? Et là, vous entendez la voix de M. Andrew Castegan à la console. Salut, Andrew. Salut, M. Michaud. Et là, on a plein de... après son intro, là, mon char roule dans le parking. Cette idée, tu prépares l'air climatisé pour qu'on parte. Exactement. Voilà. Il va rouler 2 heures de temps. Il va être fret. Le char. Il n'y en a pas de problème de pollution. Voilà, mesdames et messieurs. Et là, on a des grosses nouvelles. En fait, vous savez, depuis trois semaines, on est en association avec Mme Pink Vivi, Véronique, notre amie, qui est artiste. Et grâce à elle, on vous fait tirer à l'émission plein de beaux petits prix comme ça, comme des stickers, des aimants de frigo, des signets à l'effigie de héros de jeux vidéo. Et là, on va avoir ça tout l'été. Donc... à chaque semaine, je vais poster une photo avec les prix qui sont que vous allez pouvoir gagner lors de ce concours-là. Chaque semaine, la photo va donc changer. Donc, c'est pas compliqué. Vous allez aimer la page de Puissance Maximale sur Facebook, celle de Pink Vivi. En fait, c'est pas compliqué. Regardez la description de l'image. Toutes les indications sont là. Partagez la photo ensuite. Et c'est pas plus compliqué que ça. Puis, à l'émission, après l'apparition de cette photo, on fait tirer le fameux sac en fin d'émission, bien évidemment. Donc, pour le concours de la semaine prochaine, on va vous donner la ou le gagnant un peu plus tard dans l'émission. Mais aussi, Andrew, prépare-toi à mettre la musique Parce qu'il y a un autre concours à puissance maximale. Et oui, mesdames et messieurs, parce que nous, on aime ça vous faire gagner plein de trucs. Mais là, c'est un autre concours qui est organisé avec nos amis du pub La Revanche à Québec. Donc, Danny et Michel nous ont parlé. Ils ont dit, les gars, on est intéressés à participer à l'émission aussi. Et là, ils nous proposent, donc ça devrait commencer la semaine prochaine ou dans deux semaines, à chaque semaine, donc à chaque émission de puissance maximale. Ça va être le même principe qu'avec Pink Vivi. On va poster la photo concours La Revanche. Et avec ça, vous avez la chance de gagner une paire de billets, tout simplement une paire d'entrées pour aller jouer à La Revanche. Donc, pour une valeur de 10$. Donc, 5$ par personne. Vous avez là à deux. Vous voulez essayer des jeux. Ben, vous allez avoir ces deux petits laissez-passer-là de disponibles pour vous rendre au pub La Revanche sur Charest à Québec. C'est très, très, très gentil de la part des gars de La Revanche de nous offrir ça, d'offrir ça, en fait, aux auditeurs de puissance maximale. On adore, en tout cas Andrew, on est allé deux fois, on aime vraiment la place et c'est l'endroit par excellence si vous voulez découvrir justement jeu de plateau, jeu de société. Donc merci aux gens de La Revanche et ça va commencer la semaine prochaine. Je me sens prochaine. Comme si c'était Noël, on donne plein de cadeaux. Tout à fait, puis là il y a Julien de l'autre bord de la table qui me fait signe. C'est le moment de la Shameless Plug. Oui, ils vont être ici au Geek Fest dans leur mini revanche, La Revanche. Sort. Non, c'est une blague. Ils vont de la bière avec eux autres et les jeux. Yes, donc les gars de La Revanche vont être aussi au Geek Fest en même temps que nous autres, puis plein d'invités. Annonce-tu, là, Marcus, là, pour les deux snooze, là? Ben 5 et 6 juillet, on le sait. 5 et 6 juillet, là. Est-ce que tu viens, Marcus? Donc, les deux snooze devraient être là également au Geek Fest avec puissance maximale. Ils vont dire des niaiseries, ça va être drôle. Ils vont Luduc, les accros des jeux et bien évidemment l'invité d'honneur, M. Jonathan Roberge. Je vais plugger une heure où on peut lancer des tomates sur Marcus, ça va être drôle. Bon plan. Donc, plein d'invités, on vous invite au mois de juillet prochain pour venir avec nous. Et voilà, donc suivez puissance maximale sur Facebook, bien évidemment, et nos différents partenaires pour gagner plein de prix tout au long de l'été, bien évidemment. Et je vous rappelle rapidement que puissance maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Allez-y pour écouter toutes nos anciennes émissions, podcasts et autres entrevues. Voilà, c'est dit. Et là, M. Castegan, comme le veut la tradition, avant d'aller voir Eric et parler bière, ben, on va aller écouter une chanson et évidemment, vu qu'on parle bière, ben, on va y aller avec une chanson à boire de Justine et Séverin qui s'appelle Au cabaret, bien évidemment. Une petite chanson comme ça pour nous préparer à boire quelques bières. On s'en va écouter ça tout de suite à puissance maximale sur les ondes de CJMDFM 96.9 Lévis. Bon, mais mes bonnes chances, moi, on va vous faire une petite chanson. Santé! Santé! À boire, je passe ma vie, toujours dispo, toujours content. La bouteille est ma bonne amie et je suis un amant constant. Au cabaret, j'attends l'aurore du vin, tel est l'heureux effet. La nuit souvent me trouve encore au cabaret. La nuit souvent me trouve encore au cabaret. Si frappé de quelques alarmes, mon cœur éprouve du chagrin. Soudain, on voit couler mes larmes. Mais ce sont des larmes de vin. Je bois à longue haleine du vin, tel est l'heureux effet. Le malheureux n'a plus de peine au cabaret. Le malheureux n'a plus de peine au cabaret. Si j'étais maître de la terre, tout homme serait vigneron. Au Dieu d'amour toujours sincère, Bacchus serait mon cupidon. Je ne quitterais plus ma mère, car de la cour un juste arrêt ferait du temple de Cythère, oui, de Cythère, un cabaret. Ferait du temple de Cythère, oui, de Cythère, un cabaret. Auteur qui courait vers la gloire, bien boire est le premier talent. Bacchus au temple de mémoire obtient toujours un premier rang. Un tonneau voilà mon Pégase, ma lyre, un large robinet. Et je trouve le Montparnasse au cabaret. Et je trouve le Montparnasse au cabaret. Et je trouve le Montparnasse au cabaret. Et je trouve le Montparnasse au cabaret. Là, je joue aux jeux vidéo, mais me semble qu'il manque quelque chose. Ouais, ça manque de bière dans ce show-là. C'est le moment de la chronique bière et jeux. Santé. Santé. Et oui, de retour à puissance maximale après Au cabaret de Justine et Séverin. Et là, on est de retour avec plein de bonnes bières. Là, Andrew, il y en a deux. Andrew en a deux dans les mains parce que là, évidemment, avant de... Ben, santé, messieurs, madame et ceux qui consomment. Bienvenue à l'émission. Santé. Et santé à ceux qui nous écoutent parce que quand même, c'est un peu frais dehors, mais je suis sûr qu'il y en a qui prennent une petite bière tranquille en à la maison. Peux-tu te jurer que mon char, il est plus frais que le studio? Ah ben, je te crée, ça fait 10 minutes qu'il marche dans le parking. Donc voilà, mesdames et messieurs, bière, qui dit bière dit monsieur Éric la jeunesse. Ouais. Ça va bien, Éric? Ben oui, ça va tout le temps. Puis là, on va parler d'une bière, ma foi, je viens de prendre une gorgée très, très savoureuse. J'ai même pas ouvert encore, je finis ma Saint-Madame. Ah ben là, c'est ça, parce que c'est ça que j'allais dire, avant de commencer à goûter, nous on se met en train avec une petite bière avant d'habitude, avant de rentrer en studio. Ah, ben, j'aime le son. Donc, on va goûter, on est en train en fait de goûter à... La Scotch Ale de la Brasserie Générale. Brasserie de Québec, tu me disais? Oui, vraiment de la ville de Québec. C'est un nouveau brasseur qui existe depuis 2010, qui a été parti par trois anciens de la Barberie. OK. Et là, il nous offre... Là, je me promène là, sur le site Internet les quelques bières qu'ils ont à nous offrir. Donc, la Scotch Ale... Oh, OK, j'avais pas vu le degré d'alcool. Oui, absolument. C'est pas n'importe quoi. On parle de 8%. C'est léger. C'est tout léger. Mais tu le goûtes pas, par exemple. Non, effectivement, t'as pas l'arrière-goût d'alcool. Non, c'est ça que je suis en train de dire. Ça, j'allais me dire. Je me suis royalement fait avoir il y a un dimanche, il y a deux ou trois semaines. Non. Ah ouais, avec cette bière-là? Ouais. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire en début de chronique, mais on vous rappelle que cette chronique est une présentation de nos amis du dépanneur tout près sur la rue Wolfe à Lévis. Encore une fois, une belle sélection de bières. En tout cas, selon moi, une des meilleures. Et on vous rappelle aussi qu'il y a un excellent comptoir à jujube. Ouais. Donc, toujours un bon mélange. Ça, c'est très gagnant pour moi. Ouais, ben moi avec, j'adore ça. Mais effectivement, puis en plus, je le rappelle, les filles sont super au dépanneur. Tout le monde qui est là-bas est toujours prêt à vous donner les informations qu'il vous faut. Puis d'autant plus intéressant, c'est qu'ils renouvellent le stock constamment. Il y a toujours des nouveautés. Ce qui sort moins, ben il sort de la place. C'est remplacé par d'autres produits. Il y a un gros roulement. Là. C'est pas toujours le même stock qu'il y a là-dedans. Là. Donc, merci encore aux gens du dépanneur tout près de nous fournir... Marie et France. Ouais, c'est merveilleux élixir. Merci beaucoup, les filles. Et là, on a la Scotch Ale devant nous. Je vais te prendre une deuxième gorgée. Veux-tu nous parler de la bière en tant que telle? Je pense à la description devant toi. J'ai la description devant moi, effectivement. Là, on nous parle d'arômes de caramel, de réglisse, un peu de vanille. Il mentionne le fait qu'on ne goûte pas l'alcool, fait que c'est facile de se faire avoir. Oui, effectivement. Je vous le confirme, là, je me suis vraiment fait fourrer il y a une couple de semaines. Mais, tu veux prendre une ou deux bières tranquille, finalement? Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle goûte vraiment beaucoup le scotch. Elle ne fait pas semblant de goûter le scotch, ça goûte le scotch. On parle de scotch ale, on est à bonne place. Exact. Somme toute, c'est léger, là. Tu sais, malgré... Bon, c'est sûr qu'on n'en prendra peut-être pas 8 à soir, là. Non, moi, je suis encore en train de... Je rappelle à tout le monde qu'il fait 52 fond, dans le studio. Ouais, il fait chaud, ça fait qu'ici, on a envie de boire un peu plus, mais il faut faire attention, justement. Bon, ça, c'est une terrasse en plein été, là, fraîche. Ben, il nous parle d'une consommation de 8 à 12 degrés Celsius. Ouais. On est peut-être un petit peu plus frais que ça, là. Marc a passé l'après-midi dans mon coffre de char, fait qu'elle était bien chaude quand je l'ai rentré. Mais non, c'est une bonne température là, qu'on déguste correct, présentement. Bon, première gorgée, effectivement, est bonne. Ouais, hein? Maintenant que j'ai fini par assimiler la Sam Adams, je t'allais me rincer à la bouche parce que je ne goûtais que ça, puis après ça... Il y a une belle petite amertume, pas trop tannant, qui s'assemble bien avec le reste. Ouais, on sent pas le houblon pantoute. C'est léger, c'est vraiment pas lourd, malgré que c'est une 8%. Comparé à la... j'oublie le nom, mais celle du grimoire qu'on a goûté la dernière fois qui était au whisky. Oui. Beaucoup plus lourde que ça. Oh oui. Vraiment beaucoup plus lourde que ça. As-tu la mise à prix? Oui. C'est ça. On va se fier au... Parce que c'est pas la vie de château, l'autre c'est la mise à prix. Ouais, c'est ça. Non, c'est je ça. Sais, j'en ai rebu une depuis l'émission. Ah, tu vois. Ah, petit cachotier. Mais non, non effectivement, c'est moins... C'est moins lourd. C'est l'enfer. Surtout que toi, t'as le soleil dans la face présentement. Moi, je vais dans le dos. À regarder la face de Marcus, je sais pas s'il trouve que le studio, il fait chaud ou si la bière rentre pas dans ses normes. Ah. L'aimez-vous, ça? Ben oui. C'est écœurant. Ah ouais? Oui, oh, c'est une bonne bière, ça, Marcus. On aimerait ça à la bouche. Ben, c'est ça, tu vois, la dernière fois... Mais non, mais il a pas fait qu'est-ce que moi, j'ai fait. Moi, je me suis rincé à la bouche avant d'y goûter, parce que j'avais juste le goût de la Sam Adams dans la bouche. Mais c'est vrai que la Sam Adams, Même si c'est une bière relativement commerciale. C'est lourd, c'est... C'est goûteux. Oui, ouais, c'est lourd, c'est goûteux, c'est bourratif. Je veux dire, tu prends 2-3 Coors Light, après ça, tu peux prendre n'importe quoi. Là, ça altérera pas ton goût pour rien dans la vie. Là. Mais non, j'avoue qu'avec après une Sam Adams, il faut peut-être se rincer un petit peu le gorgoton pour bien goûter cette nouvelle trouvaille. Mm. Donc, on sente les mains, la Scotch Ale, je vous le rappelle. Et là, bien évidemment, la question à 100$ dans cette chronique-là, parce qu'on parle de bière... Mais on parle aussi, bien évidemment, de jeu. Ouais. Mesdames et messieurs, ceux qui goûtent à cette bière-là présentement, vous joueriez à quoi en buvant cette bière-là? Là, on a Marcus qui a pas l'air... T'as-tu une idée, Marcus? Pense-y. Puis tu te rapprocheras d'un micro pour le dire. Ou tu parleras bien fort. Mais à moins que... Éric, t'as-tu un flash, toi, comme ça? Ben moi, quand je me suis bêtement fait surprendre par cette bière-là, j'ai passé un après-midi... à jouer à un jeu que j'ai découvert qui s'appelle Life Goes On. OK. Un petit platformer sans prétention. Disons, platformer à puzzler. Tu contrôles un petit chevalier. OK. Qui a aucune arme puis aucune faculté autre que celle de sauter. Puis, méchant chevalier. Il faut que tu dois manœuvrer ton chevalier pour toujours l'amener à la sortie d'un niveau. Puis il y a des obstacles à contourner comme, tu sais, un sentier de spike ou des gugus comme ça. Puis tu as des points de respawn un peu partout dans le niveau que tu dois activer. Fait que si tu, par exemple, tu dois sauter par-dessus une rangée de pics ou peu importe, ben tu vas sacrifier un chevalier dans les spikes. Tu respawns un nouveau chevalier. Tu sautes sur le premier que tu as liquidé pour pouvoir progresser. Puis super, super bon jeu, là. Puis j'ai passé vraiment l'après-midi à jouer là-dessus. Il y a peut-être une soixantaine de niveaux, là. C'est vraiment un bijou de petit jeu, là. Un petit jeu indie, là. Bien simple, sans prétention, mais quel bon jeu. Mais c'est ça que j'allais proposer, moi, comme jeu, justement, un platformer, un Mario, par exemple. Tu sais, quelque chose que tu vas pas nécessairement jouer pendant 6 heures de temps. Moi, c'est le contraire, moi. Je jouerais à Dragon Age, moi. J'irais... Tu vois, Marcus dit Diablo 3 dans son coin. Sors d'ici, Marcus, immédiatement. Non. Va-t'en. Dans la cahier, dis donc, moi, je jouerais à League of Legends. Non, va-t'en. Wow. Non, c'est correct. Bref, un hack and slash, là, dans ce genre-là. Là. Pour pas frustrer trop Andrew, là. Pour ça, Andrew, il dit qu'Eric n'est pas nuancé. Là. Mais bon. Non, moi, j'ai des bons arguments. Je ne fais pas juste dire que c'est de la merde. Peut-être Candy Crush aussi. Sors. C'est ça, j'attendais la réplique assassine. Mais de mon... RPG. Je jouerais à Goat Simulator. Ouais, tout à fait. Tu sais ce que je pense de ce jeu-là. Moi, de mon côté, je pense que c'est une bière qui se voit quand même tranquillement, puis c'est un haut pourcentage d'alcool, puis c'est quand même une bière que tu savoures, je dirais qu'un MMO. Qu'est-ce que j'ai dit à propos des MMO? Ben, peut-être, mais je sais pas. J'ai dit que t'es trop faible pour jouer à des MMO autre que World of Warcraft. Non, c'est à cause que j'ai un orgueil. Moi, je joue à des jeux qui ont quelque chose dedans. Je fais pas juste grinder des bobites. Mais moi, de mon côté. Pour avoir un objet orange. De mon côté, c'est peut-être parce que le fait que j'ai tendance dans la vie à boire trop vite. Puis que j'aurais tendance à penser que. Parce qu'elle est bonne à cette température-là, mais j'ai l'impression que trop chaude. Ça doit être assez coriace, c'est que j'ai peur, moi, de la tenir trop longtemps réchauffée. Puis, me connaissant, ça s'en vient chaud, je vais la finir, on va en ouvrir une nouvelle. C'est ça. Fait que là, après 3 heures de Dragon Age, whatever, là, t'es plus capable d'en nier aucun coup. C'est pas une bière que tu tiens dans ta main pour la réchauffer à 37 degrés, tu sais. Non, mais c'est justement, en jouant à Dragon Age, t'as dépose, t'es correct. Ouais, c'est ça. Non, moi, je serais plus plateformeur. Mais bon, c'est votre choix. Mais non, mais tu fais espace pour mettre sur pause, puis pendant que tu fais tes actions, t'en profites pour prendre une grande gorgée. Tu leur déposes, puis là, t'en refais espace, tu fais ton bout. Ouais. Mais ils parlent d'épices sur la description, puis effectivement, je sais qu'après l'arrière-goût, là, les épices, ils reviennent là. Pas mal, ouais. Dans le fond de la gorge, ça donne un petit picotement. C'est là. Après la gorgée, on le sent bien descendre, effectivement. Là, Marcus, il dit, ouais, ils bullshit, ils goûtent pas tout ça, eux autres-là. Là. Nous autres, on est des experts. Ah, c'est ça. Ils doivent prendre une gorgée pour goûter. OK, donc, on parle de platformer, on parle de RPG. Donc, ben, écoute, c'est des... on va dire avis partagé sur la question, mais quand même, une bonne bière. En tout cas, moi, ça rentre dans le genre de... Là, présentement, je suis en préparation parce que moi, à chaque année, mon frère organise le traditionnel poulet barbecue de la Saint-Jean chez eux. Puis là, chaque année, je dis, bah, qu'est-ce que je bois? Tu sais, il y a le traditionnel, tu sais, en plein été, la caisse de 24 de Corona... Ça fait un job. Erk. Non, moi, j'aime ça avec ben de la vie. Voyons donc, c'est calice. Ah, tu vois, Marcus c'est content. Parce que moi, il y a un été où j'étais allé avec des bières comme ça. J'en avais 10. J'ai tout bu. Puis ça a été difficile comme fin de soirée. Mais là, je suis en train de me demander si je ne vais pas plutôt aller m'acheter une grosse pinte de gin Ungava à la SAQ avec du tonic puis boire ça tout l'après-midi. Selon mon frère, c'est pas une bonne idée. J'aurais tendance à être d'accord avec lui. Mais parce que là, pas long, je suis allé me promener et j'ai fait un petit pop crawl avec des amis côté gin tonic. Ça m'a comme redonné le goût. Puis je sais pas, j'aurais peut-être envie d'y aller. Parce que c'est frais aussi. Là. Ben de la glace avec du citron, c'est super bon. Ça. Non, ramène-toi une Yuka. Ah, je préfère ça aussi, mais... Tant qu'à prendre la petite Corona, là, prends-toi de la Canadian 67, tant qu'à ça, sacrément. Ah oui? 3%, tu peux en boire comme un cochon une journée de temps. Non, mais... Puis ça goûte encore la bière, non, t'sais. Mais tant qu'à boire de la bière à 3%, je bois pas de la Pabst. Ou de la Pabst, ouais. Pourquoi pas? Est correct, la Pabst? Oh oui, moi, j'ai pas de problème avec la Pabst Blue Ribbon. Mais tant qu'à ça, j'ai toujours, que ce serait la Saint-Jean, je boirais de la 50. J'ai toujours appelé ça le Magical Drink That Doesn't Give Any Hangover The Next Morning, dans mon cas. Pas mal, ouais. Ouais, ouais. J'en ai toujours viré des sincères sur de la Pabst, puis le lendemain, j'étais quand même relativement correct. Non, moi, c'est de l'eau après deux, j'arrête. Moi, j'ai quand même une fierté. Mais. Non, est-ce que quand t'es au cégep, puis que tu travailles dans un Zellers à temps partiel, c'est ce que ton budget te permet de t'acheter pour aller. La Black Label. Bas Saint-Laurent veut. J'ai essayé deux, puis Pabst. Non, Black Label, c'est la meilleure. Mais en fait, elle est dangereuse. Mais je dois avouer que la Black Label tablette là, à Gatineau, là, c'était un bon plan. Ben oui. Ben, en fait, n'importe quelle bonne bière, selon moi, on est capable de consommer tablette. Ben oui. Selon moi. Ben oui. Mais bon. Sauf la punk rock. Et... ouais, moi, je viens d'avoir un flash, là. Ça, on y a goûté il y a 2 mois, de ça. Ouais. Puis c'était quelque chose, cette bière-là. Ouais, exact. C'était celle au jambon, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis tu te souviens d'un 24 décembre chez nous? Ouais. La noire à l'absinthe, là? Plus jamais. J'ai flushé la dernière c'est la semaine passée. C'est la ghost town, je pense, ouais. Non? Ça, écoutez, mesdames et messieurs, vous pouvez l'essayer. On vous la suggère. Mais préparez-vous. Si on dit bière à l'absinthe et... ça goûte l'anis. C'est un Christi de temps. Alex, il m'a envoyé un article qu'on pourra parler tantôt. Ah, c'est bon. Excellent. C'est 8 bières qu'on devrait arrêter de boire. Oh, ah, on pourra en parler. On en parlera dans la deuxième partie de Monsieur la Jeunesse. Intéressant. Mais là, vu que ça avance, cette émission-là, on va y aller avec notre note. Combien de... comment on pourrait y aller? Combien de, disons, de verres de scotch sur 10 donnons-nous à cette scotch ale, Monsieur la Jeunesse? Ah, moi, c'est un 8 shooter. Un 8 shooter, ouais. Du côté d'Éric, Julien? Je vais dans le même sens. Marcus? Un 5 de la part de Marcus. T'es calice. L'homme qui aime la bière plus traditionnelle un peu. Ah non, mais il en goûte plein dans leur émission, eux aussi. Là. Il fait son smart. Il veut non, faire. Ben, il goûte les bières de brasseur RJ. Qui font du bon ça stock, vient ici planter nos bières, mais ça va avoir son show, ça va donner une bonne note. Ouais, tu sais, la tremblée, ça fait job. Ben oui, la tremblée. C'est la tremblée. Mal à la tête, mais ça fait job. Comme dit le dicton, la tremblée, c'est la tremblée. Hein. Un ballon dans la fourche, c'est un ballon dans la fourche. Monsieur Castegan, de ton côté? 8. Un 8 également. Ben moi, je vais y aller avec un 8, moi aussi, sans farce. Je l'aime beaucoup. Et Mère Camille, est-ce que tu as goûté, toi? Marc-Camille, tu donnerais combien? Je vous rappelle, mesdames et messieurs, qu'on est 7 présentement dans le studio. C'est pour aider la chaleur dans le studio. Ça aide beaucoup présentement. Combien tu disais? 8 également. Donc, Marcus est dans le champ. Comme on m'a appris dans mes cours de statistiques au secondaire, le marginal, on le tasse. Ça tombe bien, il n'est pas autour de la table. Donc, voilà, c'est un 8. Il est juste bien aligné avec la porte. Ouais, c'est ça. C'est un 8 sur 10, mesdames et messieurs, pour cette bière, la Scotch Ale de la Brasserie Générale. Donc, une gang de Québec. Vous allez pouvoir trouver ça au dépanneur tout près à Lévis, sur la rue Wolf, bien évidemment. Et c'est pas terminé pour la chronique bière. On revient à la deuxième heure avec Monsieur la Jeunesse pour parler d'une autre bière également. Monsieur Castel, il est temps de retourner en musique. Et là, on va aller avec... Écoutez, vu que c'est ma fête... Bon, je sais que c'est tout le temps moi qui choisis les tunes à l'émission, normalement. Ouais, t'as aucun privilège à prendre, là, pour mais ta là, je me suis vraiment lancé là, dans des coups de cœur. Puis là, on va y aller avec une tune de Slipknot, mais les gens vont tout de suite... Bon, on va baisser le son. Non. Une balade. Eric sait de quoi je parle. On va vous passer la tune Snuff de Slipknot. Une excellente chanson. En tout cas, selon moi, je suis un gros fan de Slipknot, là, mais selon moi, dans le top 5 de leurs chansons, très très bonne. C'est plus smooth, vous allez voir. On vous envoie ça à puissance maximale sur les ondes de CGMDFM 96.9 Lévis. Secrets in my skin. sins and leave me with my sins. The air around me still feels like a cage. Love's just a camouflage for what resembles rage again. If you love me, let me go and run away before I know. My heart is just too dark to care. I can't destroy what isn't there. Deliver me into my fate. If I'm alone, I cannot hate. I don't deserve to have you. My smile was taken long ago. If I can change, I hope I never know. I still press your letters to my lips and cherish them in parts of me that savor every kiss. I couldn't face a life without your light. But all of that was ripped apart when you refused to fight. So save your breath, I will not hear. I think I made it very clear. Couldn't hate enough to love. Is that supposed to be enough? I only wish you weren't my friend. Then I could hurt you in the end. I never claimed to be a saint. Ooh, my home was banished long ago. It took the town to fall to let you go. Against my stones and spit your pity in my soul. You never needed any help. You sold me out to save yourself. And I won't listen to your shame. You ran away, you're all the same. Angels lie to keep control. My love was promised long ago. If you still care, don't ever let me know. If you still care, don't ever let me know. Hey, hey, wow, ta gueule, c'est moi qui parle en premier habituellement, là. Donc ici Alpha et Beta, vous écoutez Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après Snuff de Slipknot. On avait dit que c'était bon, hein? Et là, on va vous parler, écoutez, là, une grosse sortie cette semaine dans le domaine vidéoludique. En fait, un titre qui se faisait attendre sans fin depuis le dernier millénaire, on va dire ça comme ça. Le titre Watch Dogs de Duke Nukem Forever de Ubisoft. Forever. Forever. Ouais, Forever, c'est ça. Il y a 8% là-dedans, hein? Voilà, c'est pas ça. Forever, qu'on dit, Elgiro. Donc, Watch Dogs est sorti cette semaine sur tout plein de plateformes, donc PC, PS4, Xbox One. Es-tu sorti sur PS3, Xbox oui. 360 oui. Ou également. Donc, rares sont ceux qui ne pourront pas se le procurer, qui sont déjà dans le domaine. Il y a juste Wii U là, qui se fait attendre. Ouais, mais ça. pas juste Watch Dogs qui se fait attendre sur Wii U, j'ai juste tout à dire. Tout se fait attendre sur Wii U. Voilà. Mais donc, c'est sorti. Et là, on va vous en parler un peu rapidement parce qu'on n'a pas, évidemment, nous, à puissance maximale, on n'a pas le jeu une semaine à l'avance pour le tester au fond. Ça fait que j'ai joué 3 heures hier avant de me coucher. Donc, raison, je me suis couché à 1h du matin. Donc, voilà. Mais on va vous le tester durant après la semaine que qui s'en vient. Puis on va vous en parler la semaine prochaine avec Andrew. Moi, je vais avoir la version PC, Andrew PS4. On pourra faire un test. Mais là, il y a déjà des choses qui peuvent se dire, dont... Mais Marcus, il a eu plus le temps d'y jouer, là, parce qu'il y a des contacts, là, puis il l'a eu à l'avance. Là. Ah ouais, t'es de même, toi. Mais là, tu pourras peut-être me confirmer ce qu'Andrew me disait tantôt hors d'onde. Mais maintenant que j'ai joué plus tard que lui. Donc, est-ce que tu peux confirmer qu'il y a quand même un lot assez important de bugs à l'intérieur du jeu dans ce que tu as vu, toi? Parce que moi, il y a des gens qui m'en ont parlé. Ça se promène sur Internet. Andrew m'en a parlé aussi. De ton côté, comment ça s'est passé? Ben, dans ce que j'ai vu, il n'y a pas tellement de bugs. Mais mettons qu'on prend, contrairement à GTA 4 ou un autre jeu de open world comme ça, Watch Dogs, j'ai pas trouvé ça tant pire. Je sais pas quel gros bug vous avez vu. Ben, j'ai un gars qui a fusionné avec un mur. Le premier doute que tu tues, moi, il a fusionné avec un mur. Moi, la version base, tu joues sur quelle plateforme? PS4. Arrête, Eric. Non, je veux savoir, Marcus, sur quelle plateforme tu joues. Là, j'ai joué au Xbox 360 et j'ai joué au PC. Oh, okay. Quand même, c'est bon. De comparaison. Non, c'est bon de savoir, là, parce que lui, il parle d'une chose, là, puis Andrew, parce que moi, PS4, au PC, j'ai pas vu de bug majeur. Pas de gros problème. Okay. C'est okay. Que je m'attendais à ce que tu sortes ton fameux argument de... Non. T'es en train de me dire que tu vas être de bonne foi. Toujours. C'est que de ton côté, Marcus, côté PC... PC, 360, t'as pas eu de problème? 360, des petits bugs graphiques, là, des petites niaiseries. Ben, parce que 360, là, contrairement aux graphiques du PC, c'est jour pour la nuit. On va s'avertir tout de suite. Ben, ça, j'ai hâte de le voir, justement. Là, je vais pouvoir commencer à jouer ce soir. Moi, j'ai hâte de le tester. Moi, j'ai comparé les deux, puis tout de suite, j'ai comme fermé le Xbox, puis j'ai resté au PC. Parce que côté graphique, tu sais, HDMI, puis ça, parce que moi, j'ai une Xbox quand même de... deuxième génération qui n'a pas le HDMI. Okay. Mais il y a une différence, le côté graphique, puis côté fluidité, l'anti-aliasing, toutes ces affaires-là. Il manque de ça au Xbox. Puis j'ai trouvé que c'était un gros GTA V, mais avec plus d'options. Puis c'est ce qui est intéressant, c'est que avec le téléphone, tu peux tout faire, là, tu peux hacker le monde. Il y a plus d'informations, c'est plus complet. Ouais, ben, comme tu dis, là, moi, une chose qui m'a impressionné, là, c'est que dans Watch Dogs, contrairement à GTA V, il y a du stock. Ouais, c'est ça. Il y a du stock qui se passe. Tu te promènes dans la rue, tu viens d'arrêter un crime, puis là, première chose que tu sais, des interactions. Ton système, il fait il y a un crime à l'autre à telle place, là, tu y vas, il y a un crime à telle autre place, ben comme hey, je veux me prendre un coin, arrêter de me dire qu'il y a des crimes. T'as vraiment tout le temps des secondary missions, tout le temps du stock à faire. Il y a des mini-jeux en réalité augmentée, ouais. Ça c'est cool. Ben, les jeux tu peux jouer, t'aimerais ça, des jeux de drink. Yeah. Donc tu peux caler une espèce de redneck dans le fond du bois, mais lui, okay. Tu bois avec lui, puis plus t'es bon, plus tu le bats, puis tu montes de niveau, tu fais de l'argent. Ou un gars qui a 3 verres, là, tu sais, la petite boule que tu caches, puis tu bouges. Comment qu'il appelle ça? Le jeu de l'abeille. Ouais, le jeu de l'abeille, en tout cas. T'as ça, t'as plein de petits games. Là. Tu peux même jouer à machine à boule. Pas machine à boule, au casino. Machine à sous. C'est ça. Ouais, tu vois, il y a bien des affaires, tu sais, par rapport à Grand Theft Auto 5, il y avait beaucoup, beaucoup d'attentes au niveau du monde ouvert, puis de. Ouais. Il va y avoir des jeux dans le jeu, il va tellement avoir de possibilités. Mais tu sais, on les épuise rapidement. Mais c'est pour ça que là, en attendant ça. J'ai hâte de le tester, Watch Dogs, pour ça. Parce que c'est intéressant d'avoir un jeu... Tu sais, j'en reviens toujours souvent à Skyrim, c'est comme jeu monde ouvert. Moi, quand j'allume mon Skyrim, j'ai tout le temps de quoi à faire. Je peux aller me promener, c'est vraiment... Puis c'est ça que j'aime d'un... Que je suis pas obligé de jouer pour faire des missions. Non, Watch Dogs, c'est ça. Puis dans Grand Theft Auto... Au début, je faisais ça. Tu vois, je vais aller me promener. Très répétitif. Mais à un moment donné, c'est très répétitif. Il manque justement de mission. Puis là, en tout cas, il nous parle d'un DLC qui pourrait s'en venir pour racheter du stock au niveau du story mode. Puis, tu sais, Grand Theft Auto Online, c'est encore plus répétitif. Surtout qu'on n'a pas de monde avec nous. Là. C'est pour ça que quand j'entends ça, j'ai vraiment hâte de me mettre le nez dedans pour tester ça. En frais d'histoire, Watch Dogs semble vraiment avoir une histoire épique. Ça semble avoir une histoire bien fournie. Le monde, comme je dis, il est plein de vie. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ville. Par contre, moi, il y a deux choses que je vais soulever majeures qui m'ont vraiment irrité. Premièrement, les véhicules, que ce soit un char, un autobus ou un train, il n'y a pas moyen de te faire frapper par aucun de ces véhicules-là. Ben, c'est fâchant. Parce qu'un train de banlieue qui va à grande vitesse, là, ça prend pas 30 secondes pour freiner. Là. Puis t'es bien beau, tu vas attendre qu'il soit à la dernière minute, tu vas te mettre en avant. il va arrêter. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé un peu irréaliste pour un jeu qui se veut vraiment open world pour offrir une expérience next-gen. Là. Ça, j'ai trouvé ça très ordinaire. Puis la deuxième des choses, l'intelligence artificielle, autant qu'elle peut être hot, autant qu'elle va travailler, elle va être aussi hot qu'une chaudière. Comparaison, tu vas te faire poursuivre par des policiers, tu vas hacker tout ça. Les policiers peuvent être hyper... te suivre, passer par des raccourcis, mettre des barrages de clous, ils peuvent être vraiment intenses. Autant que GTA, ils sont persévérants, là, que tu as de la misère à t'en débarrasser même si tu te caches. Ouais, ouais. Eux autres, ils vont emmener les hélicos, ils vont mettre des tapis de clous, ils vont mettre des barrières, puis là, faut que tu deals avec le hacking pour passer. Ça, c'est vraiment hot. Mais tu te caches dans un container, puis le policier, il tire non-stop sur le container. Puis il vient même pas grimper dedans, là, tu sais. Puis il peut sauter, là. Ou encore les ailes, il y a un piéton, il va marcher, puis à un moment donné, il y a un piéton qui tombe à terre. Ben là, lui, il va marcher tout droit, puis il va juste faire du surplace. Puis à un moment donné, il va tomber à terre, puis faire une crise d'épilepsie. Tu sais, ça m'est arrivé, puis ça, j'ai fait, voyons donc, c'est quoi cette histoire-là, là, tu sais, il évite, là, tu sais, il tourne autour du piéton, là. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé quand même ordinaire au niveau de l'intelligence artificielle. Ouais, puis il n'y a pas de barre de danseuse non plus. Ça, c'est plate. Ça. Ah, ça. Puis la physique des dégâts aussi sur les véhicules. Autant que tu vas sauter en haut d'un tunnel sur un chemin de fer, la suspension va cogner, le capot va ouvrir, mais le reste est bien beau. C'est pour vous dire, sur PC, il y a quand même assez de problèmes qu'il y a déjà un patch Day One qui est sorti sur PC pour régler certains problèmes. Donc, ça doit être que je suis pas assez difficile. Pourtant, moi, peut-être que j'ai laissé trop de chance à Ubisoft. Moi, depuis Assassin's Creed 3, moi, Ubisoft, là, j'ai bien de la misère avec le sorti prématuré, malgré le fait qu'il a repoussé ce titre-là deux fois. Ouais, mais ils l'ont repoussé justement parce qu'il était trop élevé, il était trop lourd pour les consoles. Moi, je me dis, tu sais, tant qu'à... Non. On se fait encore appeler à l'émission, c'est très populaire. Qui veut encore parler de Watch Dogs? Non, c'est ça, quelqu'un qui veut parler de ce qui se passe. Mais non, c'est ça. Ben, effectivement, là, c'était un des problèmes. Mais malheureusement, c'est quand... Après deux fois reporté, quand tu sors un jeu qui est encore... T'es obligé de sortir un patch le lendemain de la sortie. Tu fais des gars. Puis en plus, nous autres, on avait eu, en tout cas, de certaines sources que ça a été poussé par les actionnaires, justement, qui voulaient absolument sortir le jeu. Puis que même les testeurs d'Ubisoft, Chris, c'est plein de bugs. Ça va être... On va se faire ramasser. Ah, je suis pas une bonne critique, ça, là. Non, mais ça se peut très bien. Mais je m'amuse une belle expérience, pareil. Non, là. Mais c'est à cause que, contrairement, exemple, à Assassin's Creed 3, que je trouve qu'il donnait une expérience assez standard en frais de jeu, que je trouvais qu'il était moins épique, moins garni que les autres. Mais tu sais, là, j'ai trouvé que c'était vraiment décevant parce que non seulement il était de même, il était bourré de bugs. Mais là, Watch Dogs, il livre l'histoire, il livre le contenu qu'il était supposé d'avoir. Mais effectivement, il y a ces petites affaires-là là, que c'est comme... Moi, ça mérite. Là, que si je décide de courir sur une autoroute là, puis je jump en avant d'un char alors qu'il est à 30 cm de moi, ben, je m'attends qu'il me frappe. Je m'attends pas qu'il arrête. Oui. Mais en tout cas, c'est toujours la question, tu sais. De plus en plus, tu vois, on en parle souvent à l'émission, justement, les jeux maintenant, les gros titres AAA, quand ils sortent, est-ce qu'ils sont vraiment prêts à sortir ou encore une fois, tu sais, on le rappelle. Hein, ils sont pressés par les actions. Les jeux vidéo, là, c'est une business. Donc, eux autres, ils veulent sortir les titres, ils veulent faire de l'argent rapidement. En tout cas, tu sais, avec des attitudes comme ça, puis on en a parlé la semaine passée, entre autres, avec Manu à Secteur 51, à l'émission, puis avec l'article que j'ai écrit justement dans le journal, dans le Peuple de Lévis. Tu sais, des attitudes comme ça qui peuvent pousser plusieurs personnes à se refuser à acheter des titres à la sortie, puis d'aller soit pirater ou tout simplement attendre que tu sois à rabais avec des fois des... Tu sais, il y en a qui sont pas pressés, ils vont se ramasser le jeu un an après, une genre de complete edition avec toutes les DLC, puis ils vont payer ça 40$ à la place de payer le 70$. T'sais. Je veux dire, oui, il faut comprendre que c'est une business qui doit rouler, t'sais, avec les modèles présentement financiers sur lesquels ça roule, le nombre d'argent qu'ils investissent là-dedans pour ce genre de titres-là, ils doivent rencontrer, tu sais, il faut qu'ils en vendent des neufs. Mais en même temps, faut pas prendre les consommateurs pour des épais. Il y a bien du monde qui vont justement ne pas acheter ce genre de jeu. Je vais le dire quelque chose, là. Bon, ils ont juste à regarder les ventes de Call of Duty, puis je peux considérer que les clients, c'est des épais. Ouais, c'est sûr. Bon, mais en même temps, tu sais, je veux dire, on parlait de Dynasty Warriors. Tu sais, il y en a qui ont amplement, qui ont le même sentiment que toi envers Call of Duty. Non. T'sais. Non, mais le monde qui a Dynasty Warrior, là, t'sais, le monde qui les suit depuis longtemps, là, t'es entendu chialer sur de quoi que le jeu est répétitif? Non. Le monde qui a Call of Duty depuis le début, à chaque fois, ils disent hey, c'est la même maudite affaire, la campagne, ça fait vite, mais le multijoueur, il est cool. Là, finalement, il y a un nouveau jeu. Ah, oh, lui, il va être cool, ils vont révolutionner l'industrie, ils le rejettent, puis ils vont voir, oh, finalement, l'ordinaire. Mais tu sais, c'est du monde qui sont épais. Ouais, c'est sûr. Mais je veux dire, c'est sûr qu'après trois jeux, il n'y a rien qui se passe. Il faut que t'allumes, là, ça c'est sûr et certain. C'est comme le prochain, là, le monde, ils sont tout en train de s'exciter le poil parce qu'ils disent « Ah, oh, c'est le même studio que Modern Warfare. Chose, là, ouais. Hey. » Ouais, c'est ça. Là, c'est tout, ça s'arrête là, t'as pas de punch. Mais non, mais ils s'attendent à ce qu'ils révolutionnent encore le jeu parce que ça a pris deux Advanced Warfare pour qu'il y ait un... Non, c'est sûr. C'est sûr dans que le dernier, il y avait un chien, dans le prochain, le chien vole. Ça te il y a un jetpack. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est pas parce qu'un jeu est simple qu'il est mauvais, mais là, on est rendu vraiment à un haut niveau de répétition. Arrête des tirer à sauce, sacrément, hein? C'est d'ablin ça. Ben, tu sais, en fait, moi, je m'ennuie du Call of Duty, Deuxième Guerre mondiale. Oui. Qu'ils en ressortent ça, j'avais aimé ça. Ouais, ouais. Mais. Ben, ouais, Battlefield, ouais, c'était bon aussi, mais je veux dire. Tu vois, Call of Duty, j'avais pas eu Modern Warfare quand il est sorti. Je fais, oh, ça fait changement. Mm-hmm. Ça amène une compétition au niveau de d'autres qu'il y avait eu avant, comme les Splinter Cell et ces affaires-là. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un World War II, un truc du genre. Là. Ça serait le fun de revoir ça, un bon avec une histoire, puis tout. Moi, Call of Duty de cette époque-là, les jouets single player, aucun problème avec ça. Il y avait vraiment des bons scénarios. Oui. Les quêtes étaient comme... Ben, les quêtes, on va dire. Les scénarios là, de mission étaient quand même assez longs. Fallait faire attention et tout. C'est intéressant. Mais je sais pas. On dirait que moi, j'ai décroché. Après le deuxième Modern Warfare, puis j'avais joué un petit peu à Ghost, là. Il n'y a rien de palpitant là-dedans. En tout cas, non plus, je n'ai pas fini Ghost. Non, c'est ça. Il y a des jeux maintenant, tu commences, bon, c'était pareil comme l'autre. C'est aucunement intéressant, passant à autre chose. Non, mais il y a un chien. Ah oui, le chien est là, effectivement. Il y a un chien, man. Ils ont révolutionné l'industrie avec le follower canin. Mais pour revenir à Watch Dogs, d'après ce que vous me dites, on a quelque chose d'intéressant, pas trop redondant, mais bon, on n'a pas tout joué, sinon on s'en parlera peut-être dans un mois de jeu, voir à quel niveau ça peut être redondant, mais bon, ce sera surveillé. Donc, mesdames et messieurs, c'est sorti depuis hier. Mais c'est sûr que 27, c'est sûr que ça peut être redondant, Mike, parce que c'est tout le temps les mêmes missions. Là. Mettons, il y a une gang là, il y a une affaire. Ouais. Tu vas te promener dans la carte, tu vas faire pas mal les missions, tu vas arrêter du monde. Ça va devenir redondant, mais pour un jeu qui est sorti mardi, là, on s'amuse, on s'amuse, mais on a quelque chose pour un mois facile. Ce sera testé aussi au niveau du multiplayer, parce que là... J'ai pas eu l'occasion, justement, de vivre une tentative de hacking. Là. Ouais, parce que d'autres joueurs peuvent venir s'incruster dans votre game, puis j'ai hâte de voir ça, en face, ça m'intéresse. À ce niveau-là, quelle dynamique ça amène. En tout cas, on verra bien parce que, en tout cas, dans le monde ouvert, côté multiplayer, tu sais, Grand Theft Auto 5, c'est quand même ultra redondant, manque cruellement de missions coop, des trucs du genre. Donc, j'ai hâte de voir ce que va nous offrir Watch Dogs, ce sera testé. Mais les braquages s'en viennent, là, GTA 5, on va voir. Oui, c'était supposé sortir au mois d'avril. Là, on arrive au mois de juin. C'est ça. Donc, j'ai hâte de voir, mais ça, c'est un. Lequel, ça? Grand Theft Auto Online avec les les vols de banque, ces affaires-là, ça, je comprends pas pourquoi ils ont pas mis ça day one. Je sais pas. Principal attrait de Grand Theft Auto, en tout cas, selon moi, les deathmatch, puis les courses, là, c'est pas mauvais, mais. C'est tannant, là. Mais c'est ça qui a le plus. Moi, ça m'intéresse pas. Si je veux faire des deathmatch, moi, je vais aller jouer à des first-person shooters. Et voilà. Si je veux faire des courses, je vais aller jouer à des jeux de course. Malgré que les contrôles de course sont vraiment intéressants dans Grand Theft Auto, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est faire des missions co-op avec mon crew. Je vais aller voler des fourgons, il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas assez. Puis, du côté des gros coups comme les vols de banque, là, c'est ça qui était le plus fun dans le story mode. Il y en a eu 6 dans le jeu, c'était pas assez. Moi, je n'en avais pas plus. Ben oui, tout à fait. Tout à fait d'accord avec toi. Donc, ce sera vérifié aussi au niveau de Watch Dogs si ça devient trop répétitif et tout. Ce sera, en tout cas, c'est prometteur. Ce sera testé pendant le mois qui vient. Monsieur Castegan, alors on a Marcus là, qui quitte, là, mais tu vas rester proche pareil. Là, tu t'en vas pas. Il fait encore beau, là, je veux profiter de ma moto. Ah, c'est vrai, t'es en moto, toi? Bon, ben, va parcourir les routes de Lévis, cher Marcus. Bonsoir, tout le monde. Tu dis salut à ta gang de Sons of Anarchy. Ouais, c'est ça. Ah, mes bikers. Les chatons. Les chatons enragés. Ouais, c'est ça. Je vais dire les chatons ardents, mais bon. Hey, bon show, les gars. Merci, Marcus, d'être passé à l'émission. Hein, et M. Castegan, justement, avant d'aller ailleurs, ben j'ai quelque chose sous la main. Quand même un article assez long, parce qu'on parlait de Watch Dogs, justement. Un article de jeuxvideo.com qui nous parle de Watch Dogs version PC. En fait, on nous dit que Nvidia optimise Watch Dogs AMD Cryo-Loop et que les joueurs pédalent. Donc, je vous parle de cet article. Donc, on nous dit que la version de PC de Watch Dogs fait déjà pousser quelques soupirs de mécontentement à certains joueurs qui se heurtent à des performances qui sont pas optimales. Nvidia vient à leur secours en publiant à point nommé le nouveau driver GeForce spécialement destiné à optimiser le jeu. C'est ce que je ferai en arrivant à la maison. Ouais, ben moi et tout, là. Ouais, le tout est accompagné d'un vaste guide vantant les mérites de son moteur Disrupt. Bla, bla, bla, bla, bla. Donc, autre chose, on nous parle aussi que la participation au programme GameWorks empêche souvent les développeurs d'accepter au niveau d'AMD, là, des suggestions d'AMD qui amélioreraient les performances directement depuis le code du jeu. Donc ça, c'est les gens d'AMD qui disent ça. On nous dit aussi, je regarde ça rapidement. Donc bref, tout ça pour dire que présentement, déjà, Nvidia a réagi quand même assez rapidement. Du côté d'AMD, on nous dit que finalement, que c'est vraiment les développeurs qui n'ont pas voulu collaborer avec eux. On parle, par exemple, qu'ils vont relativiser les propos de Robert Arlock, celui qui a fait cette citation dont je viens de vous parler. Il prêche pour sa paroisse, comme ils disent, mais il cherche peut-être à justifier des difficultés. Diantre, ça sonne! Donc, on nous parle de justifier des difficultés en ciblant le grand méchant loup d'en face. Ah, ça joue, c'est entraînant comme sonnerie. Ben oui, c'est ça, il y a une sonnerie, il y a une moto, il y a... Non, ça va bien. Il y a de l'ambiance. Il y a une casse d'écoute lancée sur un bureau. Donc, tout commence, on nous parle encore de AMD, là. Tout commence un peu, on peut comprendre que chez Nvidia, on fait tout pour limiter l'accès d'un concurrent à sa technologie, histoire de prendre l'avantage, mais cette guerre des fondeurs à coups de technologie propriétaire est loin d'être une bonne chose pour les joueurs. Donc voilà ce que prône un peu AMD pour justifier leur retard. On nous dit aussi qu'un ancien ingénieur d'NVIDIA, John McDonald, a vivement réagi sur Twitter à l'article de Forbes dont on parle ici et au propos de Robert Arlock. Voici les posts rassemblés. Ce qu'il a écrit en fait, c'est et je cite, « C'est extrêmement frustrant d'avoir un article critiquant le travail que vous aviez produit chez un ancien employeur sans pouvoir commenter le fait que la personne que vous citez est bouffie de baratin sans fondement. » Mais là, c'est une version traduite française de France, là. « Et même si je n'ai jamais et certainement maintenant parlé pour Nvidia, laissez-moi dire que pendant mes 6 années en tant que développeur technologique, je n'ai jamais... Il se pose une seule fois demander à un développeur de refuser l'accès d'un titre à AMD ou de supprimer des choses qui seraient profitables à AMD. Donc, en tout cas, pour ceux qui ont une carte vidéo AMD présentement qui veulent y aller sur Watch Dogs, ben, ce sera surveillé sûrement quelque chose qui s'en vient. Mais pour le moment, c'est les gens d'NVIDIA qui ont, on va dire, la palme d'or, qui ont réagi rapidement pour optimiser le jeu à leur carte graphique. Voilà, M. Castegan, pour cette nouvelle à propos de Watch Dogs, parce qu'écoutez, la première heure de puissance maximale s'en vient pas mal vers la fin. Et là, moi, pour la chanson de pause, j'ai fait un choix, moi, ma foi, peu habituel. Vous n'entendrez pas souvent cette chanson-là à la radio, parce que justement, elle est quand même assez longue, mais c'est une de mes chansons préférées. En fait, c'est une chanson du groupe Les Colocs qu'on n'a pas entendue souvent à la radio, justement à cause qu'elle dure à peu près 9 minutes. Et vu qu'on a une pause pour l'heure de puissance maximale, j'essaie toujours de mettre une chanson plus longue. Et là, je me suis dit, pourquoi pas me gâter vu que c'est ma fête? Et cette chanson-là, c'est une magnifique chanson qui s'appelle « Belzébuth ». Ça dure 9 minutes. C'est vraiment une des plus belles chansons des Colocs. Voilà, on va vous envoyer ça dans vos oreilles à puissance maximale et on va être de retour après avec M. Éric Lajeunesse pour la suite de sa chronique bière et on va parler également d'autres nouvelles ludiques. Donc, on vous envoie Belzébuth des Colocs à CJMD FM 96.9 à Lévis! Talk, rock and hip-hop radio station. CJMD 96.9. J'habite dans un appart tranquille. J'arrive à peine, ça fait 1 heure. Jusqu'à maintenant, j'ai la vie facile, malgré que c'est pas encore le bonheur. J'ai visité tous les recoins. Je le sais que mon maître est bien nanti. J'ai fait mes griffes, mes petits soins, et ça m'a creusé l'appétit. J'appelle mes instincts de chasseur. Je cherche un petit animal.

Dunham, on va dire ça comme ça. Là, j'essaie de voir justement pour avoir de l'information sur la brasserie. Donc, c'est une brasserie qui a vu le jour le 7 mars 2010, alors que la brasserie Brasseurs et Frères située à Dunham, dans les cantons de l'Est, fut rachetée par trois acteurs de la scène brassicole québécoise. Et voilà, si vous voulez, ben voilà, c'est depuis 2010 que ça existe. Et là, j'essaie de trouver l'adresse exactement. Est-ce qu'on est prêt? Ben, on est prêt, c'est l'enfer. Ah, voilà! Le 30... Évidemment, c'est à Dunham. Donc, au 3809 principal à Dunham, si vous voulez vous procurer, bien sûrement que c'est, pas, c'est justement disponible dans toutes les, tous les bons endroits où ils ont de bons produits, comme au dépanneur tout près de Lévis, sur la rue Wolfe. Et là, hey! C'est beau, hein? Il y a un dépôt, man. Ben oui, c'est sûr. Refermenté en bouteille, bière sur lit. Oh yes! Bon, ben, on va pouvoir goûter à ça. Et là, refermenté en bouteille, bière sur lit. Merci. On t'entendait pareil, mais... Happy birthday to you. Non, non. Ça va aller. Happy birthday to you. Verse donc de la bière. Là, on dirait qu'Éric a lu dans mes pensées, en fait, parce que je suis effectivement... Parce que t'as toujours fantasmé sur sa voix? Oui, effectivement. Mais non, je suis un gros amateur de bière aux framboises. Bon, évidemment, les gens qui ont suivi un peu l'émission savent que j'aime bien le cidre, les trucs fruités. Et ben, la bière aux framboises ne fait pas exception. J'avais trouvé ma bière aux framboises jusqu'à récemment. La Mocador. La Mocador, qui est excellente. Ça, à chaque fois que... Habituellement, quand je vais dans un dépanneur spécialisé, c'est un six-pack. Je peux pas m'en acheter une ou deux. Je m'achète un six-pack. D'ailleurs, je pense que je vais me payer ça pour ma fête. On va arrêter... Ça continue de même, là, tu vas finir par t'acheter un dépanneur. Pourquoi pas? Tu dis, je vais m'acheter peut-être de la Black. Je vais peut-être m'acheter de la Corona. Je vais peut-être m'acheter ça. Je vais peut-être m'acheter du gin. C'est pour la Saint-Jean. Je vais peut-être m'acheter de la... Pour la Saint-Jean, ça. Ça n'a pas rapport. Ben oui. Je mêle les affaires. Je mêle pas les affaires. T'es alcoolique, Mike. On te l'a jamais dit, mais non, l'émission, finalement, c'est une intervention. Mike n'est pas alcoolique. Pour qu'il soit alcoolique, il faut qu'il y ait du café et des rencontres tard le soir. Ouais, c'est ça. Et moi, je bois pas de café. Il est juste ivrogne. La seule fois où je bois du café, c'est quand il y a plus de Baileys que de café dans le C'est place. Ça. D'après, lui, il se fait des cafés Baileys, il oublie juste le café. Moi, c'est des Baileys au café. Normalement, c'est ce que je faisais à l'époque. Donc, revenons à cette saison framboise. Donc, on parle d'une blonde refermentée en bouteille. Comme a dit monsieur la jeunesse. Et là, on parle de... Là, vu que le soleil commence à arriver une fois de temps en temps, nous réchauffer ça proche de 20 des fois qu'on est chanceux, ben là, il y a plus en plus de gens qui sont sur les terrasses aussi, qui sont des petits soupers grill à la maison, puis qui cherchent une bonne bière d'été. Ben là, je pense qu'on a quelque chose entre les mains. Justement, ils nous disent que c'est disponible seulement pendant l'été, ce produit-là. Ouais, c'est vraiment un brassin spécial. Puis... Je tiens à rappeler là, que, bon, parce que c'est une bière fruitée, les gens seraient portés à dire, bon, c'est plus léger, une bière de pitoune, une bière de fille. On parle ici d'un degré d'alcool, pas pire. Ah oui, on parle d'un 6,5. Ouais, encore une fois, un piège à con. Donc là, vous êtes au soleil, vous avez ça, parce que là, on parle de 8 à 10 degrés ici. Faut pas que ça se... En tout cas, quand même, là, on l'offrait, puis ça goûte très bon. Pour le moment, moi, je viens de prendre une gorgée. Ça vaut la peine, une bonne bière aux framboises en face. Ouais, ben moi, j'attends juste que le goût de la Scotch Ale passe, là. Ah, tu vois, c'est mon genre de bière aux framboises. C'est bon, ça. C'est meilleur que la Mocador, je trouve. Non, la Mocador, ça... Je trouve que la Mocador goûte fruitée, plus le Poppers ou je sais goûte, pas quoi. Elle est très sucrée, par exemple. Elle, c'est pas sucrée. Elle a l'amertume de la framboise, mais le sucre est pas tellement ouais. Ça, exact. Là. Mais ça goûte... Ouais, non, c'est ça. La Mocador, c'est une bonne bière. Moi, c'est ma préférée parce que, justement, elle goûte beaucoup la framboise et tout. Mais elle... La saison framboise de la brasserie Dunham, c'est une bonne bière aux framboises. Ouais. On goûte la framboise, mais on goûte la bière aussi. Oui, c'est ça. Il y a l'amertume, comme Julien dit, il y a l'amertume du framboise, il y a l'amertume de la bière. Tout est là, là. Oui. Non. J'aime beaucoup, la bulle est super fine. Mm. Ça, je trippe vraiment ouais. Là-dessus, là. Ça fait quasiment penser à un petit champagne, là, tellement les bulles sont fines. Oui, tout à fait. C'est la fun, bière ça. Parfaite de publicité avec la petite mousse sur le dessus. Ça fait une belle mousse qui reste en plus, là. Ouais. C'est le fun, ça, là. Non, c'est super beau produit. La couleur, là, c'est capotant, comment c'est beau. Là. C'est, allez vous chercher ça, buvez-en tout l'été. Puis, Regardez-la. Mais en fait, c'est ça, moi, c'est la buvez-la. C'est... Ou faites-la boire. Oui, pourquoi pas. Mais tu vois, moi. Pour une fin de soirée enthousiaste. Enthousiaste, on va dire ça comme ça. Mais il y a à peu près deux. Je rappellerai pas le. Non, le hors d'onde de temps-là. Tais-toi. Donc, mais il y a deux ans, j'avais fait une dégustation, justement, à bière framboise avec des amis. J'en avais goûté plein, mais j'avoue que j'en avais pas goûté fermentant en bouteille. OK. C'est rare. En tout cas, moi, j'en ai pas vu souvent. C'est peut-être moi qui bourrais tout le temps les mêmes sortes. Mais des bières aux framboises refermentant en bouteille, je n'ai pas vu souvent. Ça donne justement Je me demande même s'il y en a d'autres. Là. Moi, j'ai à ma connaissance, c'est ce que je connais. Ça sera à regarder. Là. Peut-être que des plus grands connaisseurs que nous pourront. Parce qu'on est plus habitué de voir au mur ou aux pommes, des trucs de même. Là, aux framboises sont plus rares. Oui, effectivement. Mais non, je suis pas flabbergasté, là, mais quand même très, très content de goûter à ce produit-là. Ouais. Oh, oui, absolument. Oh, oui. Là, c'est toi qui t'as trouvé ça tout seul ou c'est. C'est les filles au dépendant Toupin qui t'ont sorti ça? Ben, j'ai eu de l'aide. J'ai eu de l'aide des filles, mais quand elles m'ont parlé de ça, saison framboise, suite, ça a été. Bon, on est déjà fin mai. La prochaine chronique va fin juin, tu sais, début juillet. Fait que va déjà. Tu sais, il va faire chaud, il va faire beau. Fait que c'est le temps d'en parler pour que les gens puissent en profiter là, dans les prochaines semaines. Oh, oui, ben, en fait, très bien fait. En plus, que c'est dans mes préférés, les bières aux framboises. Donc, t'as pas tiré à côté, ça, c'est sûr et certain. Mais ouais, j'avoue que la bulle fine, en plus, non, ça amène vraiment. C'est vraiment trippant. Ouais, c'est de la bonne bière framboise, mais de la bonne bière tout court aussi. Ouais, viens d'écouter, effectivement. Parce que, tu sais, la bière, justement, on parlait de la Mocador tantôt. La Mocador. C'est de la bière aux framboises, mais je la catégorise, tu sais, en tout cas, moi, quand je la goûte, tu sais, c'est plus framboise que bière, je te dirais. Mais ouais, ça, c'est vraiment un beau produit de bière. T'as se demandé, la Mocador, si c'est pas, tu sais, de la framboise dès le début de la fermentation qu'il y a dedans. Tandis que celle-là, c'est refermenté avec framboise avant d'être embouteillé, puis ça finit en bouteille après ça. Là. Moi, ce qu'on m'avait dit pour la Mocador, là, peut-être qu'il y a des gens à l'écoute qui pourraient me corriger si je me fourvoie. Ben, personne ne t'a rien dit, c'est écrit sur la bouteille. Là. C'est exactement ce que tu vas dire, qu'il y a 22 framboises dans une bouteille. Là. Non, non, okay. c'est un producteur de framboises qui fait faire cette bière-là. OK. C'est pas genre un brasseur que c'est une variété. Le gars, il fait « je veux une bière avec mes framboises », puis c'est ça que ça donne. J'ai l'impression que, tu sais, le gars, il a décidé, moi, je veux une bière qui goûte les framboises, ben... OK. Et, en tout cas, moi, ça reste... Je pense que ça va rester ma préférée, mais la saison framboise... Bon, en fait, l'avantage de la Mocador, c'est que c'est pas mal disponible à l'année. Ouais, en effet. Ouais, t'as raison. Non, t'as raison là-dessus. Mais un gros vendeur. Mais, tu sais, reviens, ça me fait vraiment plus penser à un Poppers ou un Durango ou un cooler. Ouais, ouais. Mais un cooler à 5%, mais pour le goût... J'avoue que, en tout cas, pour ceux qui sont pas sûrs, ouais, les bières aux fruits, je pense que la saison framboise pourra peut-être vous faire changer d'idée. Ouais. Parce qu'on a un arôme qui est là, mais ça gâche pas le côté bière. En comparaison vaseuse, j'irais dans un peu dans le même goût qu'un cidre sec. Dans le fond, on n'a pas le sucré, on a vraiment l'amertume du fruit. Exact. Ouais, non. Comme le dernier qu'on a essayé, là, justement. Tu sais, quand je me suis surpris avec un cidre. Là, oui, le cidre houblonné. Ouais. Dont le nom m'échappe aussi. C'est ça aussi, là. Mais c'était effectivement ça, là. C'était bon, là. Tu sais, si je prends un amateur d'acide, quand c'est trop fruité, j'aime pas ça. Ça, c'est bon, là. Oui. C'est très, très, très, très bon, là. Mais c'est ça, les amateurs, justement, qui ont peur des fois des bières trop fruitées dans ce genre-là, je pense que vous allez trouver quelque chose de vraiment intéressant. C'est sec, là. Pour la saison framboise. Oui, c'est ça. Non, pour la saison framboise, je pense que ça vaut la peine de se lancer. Écoutez, messieurs, là, on en parle, mais là. Nous autres, on n'est pas des buveurs ordinaires parce qu'on est des buveurs ludiques. Ouais. Autant au niveau de la boisson que des activités qu'on fait autour de cette boisson. Vous pensez à quoi, vous, quand vous buvez ce genre de bière-là? Fat Princess. Ah oui, on a Marc-Camille à côté qui propose Fat Princess. Ouais. Tout à fait d'accord avec toi. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué, d'ailleurs. Je pense que je vais essayer de me retaper une couple de games prochainement. Lâcher mon Grand Theft Auto. Moi, je jouerais à Resogun. Resogun? Je connais pas. C'est le jeu de PS4 avec le petit vaisseau qui tire, puis il y a plein de pixels qui envolent partout. Oui, ok, ouais. Tu sais qu'on a essayé chez nous, quand tous les haut-parleurs se sont mis à vibrer à la même fréquence, tout voulait arracher. Hein? Ouais, c'est bon, je viens de voir. Tu sais, quand t'avais le boum! Exactement, là. C'était épeurant. Tout le salage shaké. La maison tassée. Ouais, c'est ça. Donc, c'est bon, ouais. Dis pas ça, ça va être. Non, c'est ça. Non, surtout. Donc, ouais, c'est bon. Bon choix, M. Castegan. Donc, Fat Princess, ouais, moi, j'adhère à ça à 100%. Resogun aussi, M. Materne, là, en face de moi. Je dirais que Fat Princess, c'est tous les petits jeux téléchargeable, là, pas long, qui se fait vite. Là. Tu sais, c'est l'été, il fait chaud le sous-sol. Mais non, il fait frais dans un sous-sol. Ah oui, c'est vrai. Non, oui. Ça peut être humide, ben, mais pas ça chaud. Dépend. Dans mon appart, il fait... Ben, ça dépend, c'est assez épais pour ouvrir tes fenêtres à 30 dehors, c'est dans un sous-sol. Il va faire chaud. Je dis ça de même. Ben, ça, c'est pas parce que tu l'as fait que tu dois dire que tout le monde, c'est des épais, et Mike. Et tu juges. J'en reviens pas. Quand c'est qui me dit ça, là? You judgmental prick. Mais hein. Tu vois, moi, un petit beat'em all, Scott Pilgrim versus The World. Oui. Je viens de penser à ça. Ça serait Battletoad. Non. Non, Battletoad, je peux pas jouer à ça avec rien autour de moi. Battletoad, il revient tout le temps. Battletoad, c'est un classique. Moi, je pense qu'il aime ça boire en tant que Battletoad. Ça lui fait oublier qu'il s'est planté par le jeu. Non, mais à force d'y jouer, tu deviens bon. Ben là, j'espère, Kaltar, c'est un des jeux des plus. Il est capable de faire deux niveaux à cette heure. Deux. Mais non, mais je l'ai fini, Battletoad arcade. Ah oui, il l'a fini arcade chez nous même. Ouais, là, c'est sûr, quand t'as des continuels illimités. Tu mets 25 cents. Non, mais j'ai pas été si pire que ça, sérieusement. J'en ai pas de temps utilisé. Juste ça. 15. C'est quoi 15? Ben, c'est même pas, ça a été 9. 15, c'est 4. Je l'avais passé avec 9 continus. 9 continus, c'est quand même pas si pire. C'est bon. Mm-hmm. Ah, mais non. Non, mais non, ça marche pas, Battletoad. Mais si je joue à Battletoad, s'il y a quoi à venir, je fais. Ok, regarde, je vais réorienter ça de même. L'été, tu profites de la fraîcheur de ton sous-sol parce que t'es pas un épais comme Mike qui a ouvert les fenêtres, exemple comme ça. Là. Genre. Mm-hmm. Parce que plus c'est lui qui l'a dit, je juge que c'est lui qui se considère un épais. Ben oui. Ouais, mais au milieu de la journée, t'as plus le choix. C'est là. Moi qui parle. Tout ça pour dire que je jouerai à ton cabinet d'arcade, moi, Eric. Peu importe le jeu. Ouais, mais ça, tu dis ça à chaque chronique. Non. Réécoute, tu sauras là, que ça fait minimum deux chroniques que j'ai pas nommé sa cabinet d'arcade. Ouais, mais caliche, il y a 29 000 jeux dans la machine. Ben, c'est ça. Non, mais c'est ça. Tant qu'à ça, c'est réponse facile. Ah, Eric, je jouerai à ton cabinet d'arcade. Ben oui. Tu veux que je te dise? C'est ce que le problème, Andrew, c'est que les gens qui nous écoutent n'ont pas accès au cabinet d'arcade d'Eric. Ben, je l'ai dit, Battletoad, puis t'as dit que c'était pas une bonne réponse, fait que je généralise. Parlant de cabinet d'arcade et de jeux qu'on jouerait avec cette bière-là, le nombre de 25 cents que j'ai passé là-dessus, les étés en basic en montant au village avec ça, X-Men, le jeu de fighter qui... 4 players. En 4 players, tu penses après tous les bons magasins en ligne de jeux vidéo, soit PSN ou Xbox Live. C'est parfait. Si vous n'avez pas accès à une arcade comme Eric, ben, rabattez-vous là-dessus. C'est un excellent beat à mort. Pour tous ceux qui ont passé leurs étés de jeunesse à se promener en basic jusqu'à l'arcade pour jouer à ça à l'air climatisé, ben, c'est pas mal un jeu d'été, tant qu'à moi. Oh, oui, tout à fait. Non, bon avec plan, bon plan. D'été. Moi, dans le genre, là, Final Fight, ces affaires-là. Mortal Kombat 2. Mais spécialement pour X-Men, je me rappelle Turtle in Time. Ouais, ben, c'est ce que j'allais dire. Oh, ou Golden Axe. Hein. Oui, Golden Axe. On en a parlé le mois passé. Hein. J'ai refait la série au complet. Hein. Altered Beast. Ouais. Ben, bref, les gars, il faut qu'on. Ouais. Ben, tu vois, c'est pour ça que j'ai dit la bande d'arcade Eric. C'est moins long à dire ça. Mais là, on a du temps, à remplir. Mais d'ailleurs, moi, je dis, à partir du mois prochain, on change le concept. Ça va être bière et jujube. Moi j'aime les deux, mais c'est rare que je mélange les deux. Non, mais on a trouvé de dégueuler en sortant. Non, mais on a trouvé la réponse absolue là. On a juste à répondre à chaque chronique. L'arcade à Eric. On va changer le concept. Les chroniques sont pas longues. on va tester telle bière et tel jujube. Est-ce qu'on est malade, oui ou non? La réponse la semaine prochaine. Je la sortirai bien au Geekfest. Estime, c'est trop gros. Ah, mais je sais pas. Peut-être qu'il y a un budget Geekfest pour déménagement d'arcade. On sait jamais. On amène la grosse crane gay. Ah, ça serait malade. Mais il faudrait péter le toit chez Eric pour ramasser ça. Mais bref, mesdames et messieurs, voici les choix de nos chroniqueurs, animateurs et tout. En fait, moi, tu me l'as pas demandé. Ben, on parle de toi. On n'arrête pas de parler de toi depuis tantôt. J'oublie ça, mais ben, donc... Moi, ça revient à ce que je disais tantôt. À quoi je jouerais? Ton corps. Non. Mais non. Tu fais boire, puis tu joues aux fesses. Ah, ben là. Non, mais moi, de mon côté, peu importe la sorte de bière, c'est toujours une option. Tu touches? Mesdames et messieurs, on va passer à une chanson. Mais là, tu sais... Ça devient n'importe quoi. C'est toujours une option, tu sais. Tu te touches. On devrait tenter de ne pas prendre deux sortes de bière. Ou de vodka et de bière à côté, ça pourrait mal finir. Bref! Mais non, mesdames, mais messieurs, mesdames, de ces suggestions... Non, mais tout ça, c'est non, pas non, fini. Non. Là, on va finir avec les notes pour cette bière-là. Parce non, mais, que après, niaiseries, ça va non, mais après ça, il y a autre chose qu'il faut qu'on parle dans le cadre de la chronique à Eric. Ah oui, c'est vrai. Là. Alexandre nous a envoyé un article. Ah ouais, ben on va en parler. Mais ouais, on a regardé ça un peu hors d'onde. Mais on va donner nos notes pour pas que les gens... On va juste pour passer une demi-heure, on va passer dessus rapidement. Puis on viendra sur la nouvelle, mais... Et demi! 8,5 du côté d'Éric. Voilà, 8,5. 8 framboises et demi pour Éric. 8 framboises et demi. Du côté de M. Materne. Un 8. Un 8 du côté de Julien. 8,5 pour moi. 8,5 mon nom, c'est Andrew. Oui, mais moi, je parlais à Julien il y a deux secondes. OK, c'est quand tu m'as regardé, il y a eu un contact visuel. Je me souviens à la dernière minute, Andrew. Marc-Camille, tu as-tu goûté? On a un 9 du côté de Marc-Camille. Et moi, j'aurais été obligé de me ranger du côté du 8,5 également. Pas ma préférée au niveau des framboises, mais dans le top 3. Ça, c'est sûr et certain. Puis, il y en a pas mal. Il y en a pas mal de bières aux framboises sur le marché. J'en avais goûté une, d'ailleurs, Surette. C'est quelque chose. On pourrait peut-être, à un moment donné, vous trouver ça pour une chronique éclair, parce que ça vaut pas, peut-être pas la peine de parler 15 minutes de ce bière-là, parce que c'est quelque chose. Mais on a la saison framboise ici dans mon top 3. Excellente bière framboise pour les gens que ça intéresse. Allez-vous chercher ça au dépanneur tout près à Lévis. Monsieur La Jeunesse, hein, c'est moi ça. T'as ça sous la main, je crois. Mais moi aussi, d'ailleurs. Donc, une chronique, en fait, un article. C'est Alexandre des Deux Snows qui nous a envoyé Alexandre Cyr qui nous a envoyé ça. Justement, une chronique, un article sur les 8 bières qu'on devrait arrêter de boire immédiatement. On a été, moi je pensais qu'il y avait des vraies bonnes raisons, mais c'est surtout pour des raisons de, je vous dis ça rapidement comme ça, que ça contient du sirop de maïs style OGM, OGM. C'est n'importe quoi. Là. Des trucs du genre, bon. Ou que c'est cancérigène. Ben, ça peut être intéressant comme information pour les gens qui veulent éviter, mais... En tout cas, ici, personnellement, pour le moment, c'est pas des trucs qui nous fait... peur. Non, ça nous fait pas peur. Comme a dit Eric, je m'arrêtais pas de boire de la bière parce que... En même temps, en tout cas, moi, de mon côté, j'en vois pas tant que ça, contrairement à Eric, mais... Ouais, non, c'est ça, swag actu, là. Mais non, c'est vraiment de la merde, là, tu sais. Mais on peut peut-être... Moi, quand il y a un caramel cancérigène dans Newcastle, tu vois que j'en ai à foutre, là. Tu sais, quand mon steak sur le barbecue, que le feu peigne dans le gras, il dit c'est cancérigène, je fais exprès qu'il reste le shaker sur la grille que le feu peigne. Non, mais, c'est ça. Tu sais, on s'en fout. Cancérigène à ça, ça sort. Moi, le cancer pancréas cardiaque, j'ai choisi. Ça va être rapide, ça va être clean. Ouais. Mais en fait, c'est ça, c'est n'importe quoi. En fait, ce qu'on pourrait dire, on pourrait parler de ces bières-là puis donner nos avis à nous. Sur boit-on ou boit-on pas cette bière-là? Si on préfère ça, par exemple. La Budweiser, en 2007, Greenpeace. C'est moins crédible que Greenpeace. Ben. Ça, a découvert du riz OGM. Budweiser, c'était pas plus vraiment de la bière au stade, de toute façon. C'était pas plus de Perrier à saveur de bière alcoolisée. C'est n'importe quoi. Ben déjà, qui cite, ça goûte pas grand-chose à ça. Ici, je pense que c'est encore de la vraie bière. Mais aux États-Unis, je pense que ce que j'avais compris, c'est que c'était... C'est encore de la bière, mais c'est de la bière américaine. Il parle de la Corona, encore sirop de maïs OGM. Mais mettons, Eric, là, on va faire le tour de la ces bières-là. La Bud Light, oh, c'est le temps des autres. Voyons, c'est n'importe quoi. On va parler de ces bières-là, Eric, mais de notre façon à nous. On préfère ça, par exemple. On s'en fout là, des OGM et ces affaires-là. Newcastle, Brown Ale. Newcastle, c'est un classique. On continue. On continue ça, voyons. On continue. Oui, super bon. Pas mauvais. Elle est bonne, elle est bonne. Budweiser. Ben, la Budweiser, quand tu commences à boire à 12 ans, c'est correct. Ça va, ça, oublie ça. Bière de brosse. En tout cas, moi, ça reste. Ben, les premières brosses, on s'entend. Là. Bon. Non, quand tu commences à sortir au DAG ou dans les premiers bars, là, tu te mets déjà à boire d'autres choses. Moi, quand je vois, on prévoit une brosse avec les copains, on trouve la 24 de Budweiser en spécial. Je reste à la page, moi, rendu là. Bon. Ouais, tu vois, moi, c'est la belle gueule. Ben, moi, dans ce genre de bière-là, je vais avec le spécial du jour. Ma bière de brosse, c'est la belle gueule. Là. Mais sinon, Corona, oui. Ben, Corona, moi, c'est de la merde. Mais toi, non, moi, l'été, non, avec la lime, j'haïs pas ça pantoute. Il faut que tu mettes une lime d'une bière qui a goutte de quest parce que ça vaut vraiment pas faire. Là. Ouais, mais moi, c'est pas nécessairement que je veux boire une bière. Là. On est bien avec ça. Là. Bon, Eric veut pas. Toi, Andrew. Mais, c'est ça. Dans le style, je m'en achèterais pas, mais si quelqu'un m'en offre une, je crache pas dans la face non plus. Là. S'il y en a une, je vais la boire. Bon, là, on arrive à une bière que moi, c'est non. Miller Lite. Non. D'ailleurs, moi, je voulais dire, Eric va sûrement être d'accord avec moi, je suis en train de suivre, d'écouter Sons of Anarchy. Ouais. Tu sais, des gros gars tough, tu sais, des motards criminalisés, la grosse affaire, les cheveux, la poudre, plein de patentes, marchand d'armes. Puis là, à un moment donné, tu vois leur femme aller faire le marché pour remplir les frigidaires à bière du club, puis ils boivent la Miller Lite. Ça vient un peu casser l'image, ta crédibilité. En tout cas, au niveau des Canadiens puis des autres peuples qui boivent de la vraie bière, parce que les Américains... Ben, les Américains ont beaucoup de misère avec la vraie bière. Vraiment, qu'il y a d'excellentes micro-américaines maintenant. Oui. Il y en a de plus en plus, là. Il y en a vraiment des intéressantes, là. Mais au niveau du commercial, parce qu'au Québec, on est quand même, il y a quand même quelques bières. Tu sais, belle gueule, là, on n'est plus dans les micros, là, on s'entend. Non, puis c'est de la bonne bière. C'est la bière de semaine, ça. Là, pour la micro, on va vers la belle gueule. Ouais. Pas la boréale. Désolé, moi, non, le Montréal. Non, moi non plus. J'ai lâché ça, malheureusement. Prochaine bière, la Michelob Ultra. Je suis pas d'accord. La Michelob, c'est... ça fait grandement la job. Ah ouais? C'est une bonne bière américaine, ça aussi. Ah. C'est... Je ouais, mais il y a du édulcorant génétiquement modifié. Oui, oui. On a dit qu'on parlait plus de ça, de vous. Non, mais non. On parle de vraies affaires ici. Ok, c'est bon, j'ai rien dit de bon. Guinness, là, on n'en parle même pas. Ouais, ça, non, ça, on continue. Non, c'est là, on continue. La bière, c'est nécessaire d'avoir la Coors Light, on passe. Paps, on continue. Ben, la Coors Light en camping, c'est correct. Ah, moi, t'as qu'à voir la Coors Light, je bois la bonne. Non, tu comprends pas. Alors, que... visiblement pas. Non. La montagne, quand elle devient bleue. Ton marketing, c'est que ta bière est vraiment frette, là. Parce que ça goûte plus à cette température-là, de toute façon. Non, mais c'est quoi? C'est 4.5, la Coors Light. Fait que, ouais, tu sais, ça assomme pas trop. Fait que tu pars en camping. T'arrives le vendredi à 1h ou 2h sur le terrain de camping, en parquant le truck, pssst, avant même de monter ta tente, t'en prends deux. Ben oui, ben ça, c'est nécessaire. Puis là, tu bois ta bière. Puis là, le lendemain matin, quand la fille avec qui t'étais te dit « On va-tu faire le tour du camping? » Tu dis « Ben oui, 9h15, t'as déjeuné. » Je commence ton samedi à 9h15 avec une bière. Non, mais tu peux faire ça parce avec que d'autres. Parce que tout le monde fait ça sur le terrain. Là. Oh oui, mais tu peux faire ça avec d'autres bières. Fais ça avec d'autres jusqu'à 1h du matin, toi. Ouais, mais moi, de base, je fais pas ça. Je suis pas marathonnier. Ben, c'est ça. Au niveau de la bière. Tu sais, bon. Moi, je pars deux jours en camping avec 55 ans. Puis j'en ramène pas. Le mélange, mesdames et messieurs, vous savez pourquoi c'est Eric, notre chroniqueur bière. Eric, on ira en camping ensemble. et la dernière, et non la moindre, on en a parlé tantôt, la Pabst Blue Ribbon. Regarde ça, mesdames et messieurs. Ok, oui. Puis pas parce qu'on est des hipsters, parce que nous, on aime non, cette parce qu'on en buvait avant que ce soit cool. Pas bon. Donc, effectivement, avant que ça soit... Tu c'est que c'est vrai. Ah oui, mais c'est... Là, elle a eu un essor là, en fait, de popularité, puis ouais, bah, on en buvait déjà juste parce qu'elle était pas chère. Non, c'est ça, disons, parce qu'on connaissait parce le produit pour vrai. La qualité prix était là, c'est pas pareil, c'est pas cher, mais ça vaut ce que tu payes pour. Oui, non, c'est j'ai ça. Pas le meilleur cachage de là-bas, j'ai pas cette impression-là, tu sais. Non, c'est ça, t'es, je paye une bière pas chère, je la bois, ouais, c'est une bière qui coûte et vaut le prix que j'ai payé. C'est ça. Donc voilà, mesdames et messieurs, on a fait le tour de cette liste rapidement. Et il est temps. Merci beaucoup, Eric, d'ailleurs, de nous avoir parlé de bière. Grâce, encore une fois, je le répète, à nos amis du dépanneur tout près à Lévis. Tu sais que ça me fait toujours plaisir. Je sais. Tu viendrais toutes les semaines en parler. Mais à un moment donné. Bon, on en renégocie avec tout près. On va voir. À chaque semaine. Toutes les semaines. Donc voilà, merci beaucoup, Eric. Et évidemment, Eric, tu restes jusqu'à la fin de l'émission pour parler avec nous. Donc. Et là, on va y aller en musique. Et encore une fois, on y va avec une musique de circonstance. On vient de parler de bière, ben on va y aller avec l'âge de bière de Mononcle Serge et Anonymous dans vos oreilles. Ah, mais selon la liste, j'avais Amour, mais bon. Ah, ben c'est moi qui s'est fourvoyé. Amour de Rammstein, mais ça va être après. Donc voilà, l'âge de bière de Mononcle Serge et Anonymous dans vos oreilles, à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 Lévis. Yeah. aïe, mouille le cerveau. Il s'en va au pharmacien guérir un petit pot. Chemin faisant, notre homme recouvre lentement la forme. Ça tombe bien, le Langevin. On reste pas une vieille. Et les blancs au comptoir m'en prennent rien que Fumeur. Là, faut j'arrête. Goldstein. Robin, le Robert. Petite dernière. Tu m'en vois tout de suite. Monte. Ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego. Bon, là, faut j'me pousse. Bon, y'a droit. Faut vraiment que j'y aille. Monte, toi. Ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego. Il est des nôtres. Il abuse sa bière comme les autres. Porte-le! Au nitibus! Porte-le! Au mentondus! Porte-le! Au tapondus! Porte-le! Au ventribus! Porte-le! Au sexibus! Porte-le! Au bientibus! Porte-le! À multiplus! Ego! Ego! Oh oui, t'es capable! Ego! Ego! T'es pas une maman! Ego! Ego! Calme-moi ça! Ego! Ego! Vas-y, j'en viens! Ego! Ego! Let's go, man! Ego! Ego! Run away! Ego! Ego! Ouais, ouais, ouais! Ego! Les Indiens nous rattrapent! Il faut faire quelque chose, mon sang! Mettez plus de chapeau dans la chaudière! Mettez la puissance maximale! Puissancemaximale.com. Et oui, de retour à Puissance Maximale après l'âge de bière et mon oncle Serge, c'est, ben voilà, c'est ça. C'est dit. Il n'y a rien d'autre à dire. Puis là, et vous savez, mesdames et messieurs, qu'on aime beaucoup... Eric? Non, les commentaires, chose, en fait, on a notre amie Véronique Pink Vivi, avec qui on fait le concours, qui vient de mettre un petit commentaire sur la page Facebook, qui nous dit que, et je cite, « Je suis crampé de rire de la chronique bière de cette semaine, mais quelle émission décousue, mais vous savez quoi, j'aime ça comme ça. » Voilà, merci beaucoup Véro de ce commentaire, nous autres aussi on aime ça comme ça, on aime ça quand Eric passe à l'émission. Je suis pas décousu du tout. Non, non. C'est... Non, mais on est décousu parce que c'est la fête à Mike, puis Mike il aime ça l'ordre, fait que juste pour le froisser, on met le chaos. Ah oui, je suis tellement un amant de l'ordre et de... tellement là. Happy birthday to you. Là, je me sens pas bien. Ah, Eric. Donc... C'est ça qui arrive quand on a trop de monde en studio. Ah, c'est ça, ça avait... Alors, on est tombé à 6, là, c'est moins pire, mais quand même. Bah ouais, j'avoue que Marcus prend birthday. Marcus. J'avoue que Marcus prend de la place. Là, ah, mais... tout à fait. Dans salutations, Marcus. On t'aime bien, Marcus, pareil. Mesdames et messieurs, puisqu'il est temps de parler de nouvelles musiques, il est officiellement temps de parler de la chronique Saviez-vous que de M. Castegan. Là, je m'attends à des félicitations. Pour. Ben, j'y ai pensé cette semaine. Ouais, tu y as pensé one shot, c'est ça que j'ai besoin de te le rappeler, donc bravo. Ben mais... non, mais c'est à cause normalement tu le dis en nom de. Oh oui, que mais... je l'ai pas, mais là j'y ai pensé, fait que je tenais à le souligner. Ah ben bravo. Écoute, tu fais ta job pour une fois, c'est malade. Ben oui, c'est vraiment. C'est vraiment hot. Je suis vraiment content. Donc, est-ce qu'on savait que quoi, Ando? Ben saviez-vous que quand Sega a fait banqueroute dans le marché de la console avec la Dreamcast, Microsoft voulait acheter Sega pour faire leur entrée dans le marché du jeu vidéo. Mais que l'offre d'achat n'a jamais été plus loin, par principe que Bill Gates pensait que Sega n'avait pas assez de force pour arrêter Sony dans le monde de la console. Donc, ils ont décidé d'annuler toute offre d'achat et partir par eux-mêmes. Normalement qu'il n'y avait pas tort à l'époque, banqueroute, il n'y a pas grande compagnie banqueroute qui est capable d'arrêter une compagnie qui est... Oui, puis non, mais c'est un peu de la faute de Microsoft si ça a fait de patate. Parce qu'au début, la Dreamcast, c'était un projet conjoint Microsoft-Sony. Juste qu'à un moment donné, Microsoft a décidé de partir avec la moitié d'ingénieurs. Non, mais ça, ça, on est tous au courant, mais c'est, le final reste que ces gars ont fait de banqueroute. Et après ouais. Ça, tu as beau. C'est un peu une raison de marte, on va dire ça comme ça. Là. Ah, ils pourront pas faire face. Ben, c'est sûr, tu viens les mettre banqueroute, le gars. C'est ça, tu viens de leur tirer dans le pied. Hey, il peut plus courir. Je vois pas d'où tu parles. C'est ça. Bon, ben bref. Encore une fois, Microsoft, Sega. Ses relations, n'importe quoi, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup, M. Castegan. Ça me fait plaisir. Donc, on pourrait y aller avec une nouvelle triste. Je pense qu'on pourrait mettre ça de piano, juste pour te... Mets la petite musique. Ouais. J'y vais. Ben, triste. tout cas, selon moi. Mesdames et messieurs, à la chronique mortuaire cette semaine, Star Wars Attack Squadron, annulé. Mais c'est plate un peu, je suis triste pour vrai, parce que ben là, on est dans une ère de renouveau de la franchise Star Wars avec une nouvelle trilogie, plus une trilogie de spin-off qui s'en vient, la série Rebels animée qui s'en vient également. Là, on se dit, oh, qu'il va y avoir du jeu au pied carré qui s'en vient, mais là, on avait quelque chose d'intéressant qui était proposé. On avait un jeu de pilotage Star Wars. C'est un successeur spirituel X-Wing et TIE Fighter qui étaient deux jeux de simulateurs écœurants à l'époque. J'ai joué ça en ligne. Je vais dire quelque chose comme ça. C'était destiné à rater. Ils ont envoyé des beta keys au Canada. Mais moi, ce que je veux dire, la question que je me pose, est-ce que c'était un projet qui avait été autorisé avant ou après Disney? Vous allez pourquoi après. En fait, je vais lire la nouvelle. Donc, fin 2013, on apprenait qu'un certain jeu web du nom de Star Wars Attack Squadron était en cours de développement. Et donc, si le projet avait de quoi attiser la curiosité, et là, beaucoup, beaucoup de gens, c'est ce qui s'est passé, puisque centré sur les batailles spatiales de la célèbre saga cinématographique, ça pouvait aller jusqu'à 16 joueurs qui s'affrontaient. Bien, on apprend aujourd'hui, par le biais de nos confrères, des confrères, en tout cas de CVG, donc de Computer and Video Games, que le titre qui avait eu droit à une bêta fermée vient d'être purement et simplement annulé par Disney. On peut ainsi lire sur le site officiel du jeu, et je cite, « Après bien des considérations, nous avons décidé d'arrêter le développement, ce qui fait que nous allons pouvoir nous concentrer sur d'autres expériences de jeu issues de la franchise Star Wars. » Et voilà. Pourquoi je m'en laisse pour cette tête avant ou après? Est-ce qu'elle nous dit que ça a été calé avant l'achat de Disney? Oui, ça a été calé avant l'acquisition des studios LucasArts. Ben, et voilà, la raison... Non, c'est Disney qui l'a annoncé, ce jeu-là. Mm-hmm. Il l'a annoncé le 17 décembre dernier. Ben, ça devait être tout de suite après avoir... Ouais, parce qu'honnêtement, il y avait beaucoup de projets qui roulaient à l'époque, où Disney a acheté, dont Clone Wars, la télésérie, qui a été annulée, simplement. Ils ont fait une saison 6, qui étaient les épisodes qu'on n'ont pas diffusé en saison 1 pour finir la saison. Dans la saison 6, écœurante pour les 6 mais bref... Il me reste ça à écouter, là. Moi j'ai hâte de... Bref, ce que je veux dire, c'est que Disney a voulu, avec l'épisode 7 et compagnie, puis la nouvelle série Rebels, réévaluer puis redéplacer les forces par rapport aux nouveaux projets. Donc, Clone Wars était annulé pas parce que c'est mauvais série, parce que les codes d'écoute étaient mauvais, c'est parce qu'ils voulaient réassigner les animateurs. Fait que pas qu'ils veulent réassigner leur force aux nouveaux jeux vidéo, simplement d'autres places pour des projets plus importants pour eux. En lien avec épisode 7. C'était la raison qu'ils avaient lâché. J'ai hâte de voir les projets de jeux qui s'en viennent, parce que moi, là. Ben, t'avais le jeu de Bounty Hunters, là, qui a été annulé aussi, de LucasArts, qui avait l'air d'être quelque chose, mais vu que c'est LucasArts, on se pose la question. C'était le jeu avec Boba Fett, je pense que tu te prenais même dans plusieurs niveaux, dans Coruscant. Ouais, ça avait l'air intéressant, mais vu que c'est du LucasArts, on parle de la gang de Force Unleashed. Ah, vous allez voir, ça va être tout plein cool, sans Stormtrooper, sans intelligence artificielle super torcheuse, finalement, c'est sans drone. Force Unleashed, je te l'avais emprunté, j'ai joué, j'ai tellement été déçu. Le premier niveau est le meilleur, après ça se termine là. Ouais, parce que Darth Vader, puis tu massacres plein de Wookiee. Pis... Mais sinon, le reste, vraiment. Puis j'ai trouvé. Moi, j'ai pas de problème avec les storylines, tu sais, parallèles ou, tu sais, aux histoires principales que tout le monde connaît. J'ai acheté la BD, mais... là, ça a tout résumé, j'ai tout compris. Fait ça fit. Ok, ouais, il faudrait peut-être que je regarde ça. Mais bref, en tout cas, j'espère qu'il va y avoir des belles expériences de jeu qui s'en viennent au niveau de la franchise Star Wars, ne serait-ce qu'un bon RPG. Moi, encore une fois, Knights of the Old Republic. Les Cotards de l'époque, là, les vrais bons RPG qui avaient été faits par la gang de BioWare. J'espère qu'on va avoir des trucs du genre, peut-être avec une dynamique de combat différente, mais j'espère qu'on va avoir des trucs aussi intéressants qui s'en viennent, pas juste... truc à la Force Unleashed, mais avec un bon scénario, c'est ça, puis bien fait. Ce serait bon, là, avec des belles commandes, là, puis une caméra qui chie pas tout le temps. Je pense qu'on aurait de quoi un bon potentiel, mais bon, il faudrait avoir un bon scénario pour ça. Puis je sais pas vous autres, là, mais tu sais, moi, je suis vraiment, tu sais, un enfant de la génération Star Wars, là. Je suis plus vieux que vous autres, là. Ben, moi, j'ai écouté les Star Wars avant qu'ils soient réédités au cinéma dans les années 90, là. Tu sais, moi, je suis allé voir ça au cinéma quand j'étais ticu, là. Tu sais, le premier est sorti, j'avais 5 ans, là. Puis j'avais tous les jouets Star Wars, j'avais le coffret Darth Vader, je mettais mes bonhommes. Et toi, fais pas comme certains de mes amis, ils regardent pas CB comment ça va Star. Non, c'est ça, tu sais, j'avais tout. Puis tout ce que je demande, c'est un jeu avec les héros de Star Wars, Calis. Puis il y en a à peu près pas. Il y a les jeux sur Super NES à l'époque, mais c'est pas mal ça. Oui, puis il était quand même bon. Il était pas oui, mauvais, ouais. Il était dur, quand, oui, c'était dur, mais Super il était bon. Return of the Jedi sur Super NES, ça y allait. Puis c'était beau pour l'époque. Oh, oui, les jeux plus récents, là, c'est comme... Ou la série X-Wing, TIE Fighter, puis X-Wing non, vs. TIE Fighter, qui est écœurant. De toute façon, des bons jeux de pilotage, de dogfight à cette heure... Il est sur table, le jeu, puis c'est X-Wing miniature. Ouais, non, ça c'est correct. Non, mais un jeu PC... Tu vas peut-être réussir à me battre un jeu. Ou, hey, moi je me rappelle des Rogue Squadron. Les Rogue Squadron sur 64, puis celui qui avait sorti aussi sur GameCube. Ou le premier Rebel Assault, qui était pas pire. Ouais, c'est des super bons jeux, ça. J'ai entendu que ça fait 20 ans qu'il n'y a pas un bon jeu de Star Wars. Ben, à part les Knights. Les KOTOR, Knights of the Republic. Mais on va dans l'Extended Universe. J'avoue que c'est pas pour tout le monde. Bon, les KOTOR et le SOTOR, le jeu en ligne aussi qui était intéressant. Non, le jeu en ligne, pas capable. Je l'ai essayé, là, pas capable. Mais bon, t'as le droit, là, t'as le droit d'avoir aimé ça. Moi, personnellement, j'ai pas aimé. J'aimais ça, c'est ma fête, j'ai aimé ce que je veux. Oui, c'est vrai, ta fête, toi aussi. T'as le droit de dire ce que tu veux. Mais donc, bref, mesdames et messieurs, toute l'équipe ici à Puissance Maximale a hâte de voir ce qui s'en vient au niveau expérience de jeu au niveau de Star Wars. Mais on est déçus de ce qui se passe au niveau du jeu qui a été annulé pour Star Wars. Monsieur Castegan, est-ce que t'aurais une nouvelle par hasard? E3, il y a le chiffre 3. Half-Life 3 confirmé. Et voilà. Et encore une fois, encore cette année, on a la confirmation qu'Half-Life 3 s'en vient. C'est tout. Et la nouvelle mode aussi, c'est Left 4 Dead 3. Ouais, Left 4 Dead 3 aussi. N'oublie pas Portal 3. Hein. Non, ça, il n'en parle pas dans la nouvelle que j'ai. Ah, bah, attends. Donc, tu as trouvé une nouvelle où on te confirme encore la venue d'Half-Life 3? Non, du tout, en fait. C'est juste parce que, dans le fond, le co-créateur de Counter-Strike, M. Min Lee, a été en entrevue avec un magazine web qui s'appelle GeoWare GNTV à propos de Half-Life 3, puis il a dit j'ai vu des concept art passer, mais je peux pas en parler plus que ça parce que j'ai une mire laser sur la tête, peut-être des annonces au E3. Après ça, ils ont posé une autre question. Et pour ça, il a dit ils ont posé une question à propos de Left 4 Dead 3, puis il a dit ça, je l'ai vu par exemple, ça a de l'air génial. Il dit des jeux coop, il y en a plus ben des bons. Fait que t'es, on est dû pour en avoir un. Mais moi, tant que je le verrai pas, je le créerai pas. Non, ouais, mais comme que je disais là, tantôt, là, Valve, on dirait là, qu'ils ont comme un blocage. Dès que leur série arrive au troisième volet, là, ça arrive pas. Malheureusement. Mais bon, suivez ça. De toute façon, évidemment, on vous invite à écouter l'émission de Puissance Maximale qui va suivre le E3. On va être en feu. On va avoir écouté tout ce qu'il y a à écouter et on va faire des résumés de tout ça, donner nos opinions éclairées là-dessus. Sinon, t'avais-tu une autre nouvelle rapide? Ouais, Lego Batman 3 s'en vient. Non, mais c'était pas de ça que j'allais parler. D'accord. Mais moi, en fait, je voulais te parler de Witcher. Ah, mais je peux-tu faire une nouvelle rapide avant? Ben, vas-y, s'il vas-y. S'il vous plaît, monsieur. Ben, vas-y. Ben, pourquoi tu me demandes si j'en ai une? Si t'en as une. Vas-y, vas-y, ben, vas-y. Je t'ai pas dit si t'en avais une. Je t'ai dit j'en avais une. Ah, excuse-moi. Écoute, moi, c'est ma fête c'est aujourd'hui, juste je n'écoute que ma propre voix. C'est juste parce que c'est rapide et c'est très court. Tu sais que depuis quelque temps, à chaque semaine, à chaque émission, on dit telle casque de réalité virtuelle. Ouais, qui c'est qui s'en vient avec un nouveau casque? Samsung! Ah, ben, Colin. Non, mais ils vont tous en sortir un. Là. En fait, c'est aujourd'hui que le site Engadget, le site des sources anonymes, disant que Samsung travaillerait sur un prototype de carte de réalité virtuelle pour compétitionner avec l'Oculus Rift et le projet Morpheus et le possible projet de Microsoft. D'accord. Bon, ben, ce sera à suivre. Encore une fois, un autre casque, mais bon, moi... On verra bien. Donc, après cette courte nouvelle, M. Castegan, je vais te parler de Witcher 3. En fait, pour les amateurs, ceux qui attendent comme moi impatiemment ce jeu-là, on a appris, en tout cas, que cette semaine, qu'il n'y aurait pas de contenu exclusif à une plateforme ou à une autre. CD Projekt Red qui fait Witcher 3 décidé qu'il n'en ferait pas, mais... ils ne seront pas absents du E3 parce qu'ils ont annoncé une preview de 45 minutes de gameplay qui serait présentée durant le E3. Donc, évidemment, moi, je vais regarder ça à fond. J'espère que je vais regarder le 45 minutes au complet, mais je vais en écouter une bonne partie parce que moi, c'est un jeu que j'attends énormément. Je l'attendais pas mal plus que Watch Dogs. Donc, c'est sûr que je vais regarder ça. Donc, pour les amateurs, ce sera à surveiller sûrement un des meilleurs RPG qui s'en vient pour l'année. Donc, Witcher 3 à surveiller pour le gameplay. Peut-être une dernière nouvelle avant une autre pause musicale, M. Castegan? Oui, je suis sûr que tu dois être excité, là. Mais le tournage du film World of Warcraft est terminé. Ah, il est terminé? Oui, Le monsieur Duncan Jones, le réalisateur du film, a tweeté vendredi dernier pour préciser que le dernier jour de tournage était arrivé. Vas-y, Julien. Moi, je disais, j'aime pas World of Warcraft, fait qu'on s'attend à Québec classique à 6h, ceux qui sont pas contents. Autre nouvelle cinématographique, apparemment, pour les amateurs de manga, monsieur Michael Bay, monsieur, j'ai rien compris à Transformers, ouais. Il fait 4 Max là, a déclaré qu'il s'intéresserait à Evangelion. Ouais. Donc, préparez vos torches, vos fourches et autres accessoires de mob. C'est sûr que. Ils sont déjà prêts depuis qu'il a annoncé Tortue Ninja. Mais moi, j'ai hâte. Moi, je vais. Mais j'irai pas voir Tortue Ninja au cinéma parce que. Mais je suis intéressé à voir. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Mais il y avait un vieux projet avec Evangelion que c'est Water Workshop et Peter Jackson qui voulait faire. Pourquoi il laisse pas ça dans les mains Water Workshop et Peter Jackson? Je dis ça, ça serait cool. Peter Jackson. Mais il y a une meilleure compréhension. Tu sais, je réécoute Les Seigneurs des Anneaux, j'écoute Les Hobbits. C'est des bons films. Ben, c'est j'aime pas ça. Mais je trouve Del que. Del Toro, pourquoi pas. En tout cas, je trouve qu'il. Qu'il manque. Mais tout le monde, sauf Michael Bay qui comprend pas un scénario de Transformers. Méchant robot, bon robot, piou-piou. Voilà. Pas compliqué. Pour les gens, justement, on parle du film World of Warcraft. Là, une des têtes d'affiche du film, c'est M. Travis Fimmel. Et ceux qui ne catchent pas, c'est qui? Mm. C'est le gars qui joue Ragnar Lothbrok dans la série Viking. Donc, gros, une série que j'adore d'ailleurs. Si vous êtes vous allez sur Historia, vous trouvez ça. C'est vraiment une belle série, évidemment, sur les Vikings. Pour les gens qui aiment le genre, qui aiment justement cette époque-là aussi, c'est une série qui est primée auprès des amateurs. Ben, c'est l'acteur qui joue Ragnar qui va. Il va faire partie, entre autres, de ce film-là. Il y a aussi Ben Foster. Ben Foster qui a joué, entre autres, je pense c'est Dark Angel dans X-Men 3. Archangel, je ne me rappelle plus. Bref, celui qui a des ailes. On le voit 30 secondes. Là. C'est ça, M. Ozu, qui faisait Tucker dans une série. J'écoutais un canal de famille dans le temps. Je ne me rappelle pas du titre. Mais bref, il sera également de la partie. Et quelques, je regarde des acteurs rapidement comme ça. Ceux qu'on pourrait peut-être connaître... Dominique Cooper, il me dit quelque chose, ce gars-là. Clancy Brown, qu'on a vu dans Starship Trooper, qui faisait le sergent instructeur qui pitche des couteaux, qui reçoit c'est pas vrai, c'est pas le sergent instructeur, c'est celui qui reçoit le couteau dans la main. Il joue aussi le méchant dans Highlander, le premier qui faisait le méchant qui tue Ramirez dans le premier Highlander pour les amateurs de films douteux. Donc voilà, quelques noms comme ça lancés à la volée pour le film de... puis Dominic Cooper qui jouait, qui va être aussi dans World of Warcraft, qui jouait dans Captain America, qui jouait le père de Tony Stark dans le premier Captain America. Et aussi, je pense qu'il était était-tu dans le deuxième? Je l'ai pas vu le deuxième, voilà. Non, voilà. Donc voilà quelques noms comme ça lancés à la volée pour le film World of Warcraft. Monsieur Castegan, une dernière pause musicale avant la fin de cette émission, je crois. Peut-être qu'on aura le temps d'en passer une dernière. Non, on a trop de nouvelles. Ben, c'est ça, on a un top 10 à parler. Bon, ben on va y aller avec Amour de Rammstein dans vos oreilles à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 Lévis. CJMD 96.9. Nous sommes désolés de vous interrompre durant cet intermède musical. Musicalement libre. Nested aufgebrochen Herz. I'm Alexey Pajitnov. I'm creator of Tetris and you are listening to Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après cette chanson de Rammstein, Amour. Et voilà, c'était bon dans nos oreilles. Et on vient d'entendre en plus M. Alexey Pajitnov, le créateur de Tetris, que le grand Manitou, François Gécouillard, a eu la chance d'avoir en entrevue il y a de ça quelques années. C'est le score à battre. Ouais, on est toujours content de le présenter, ce petit ID-là de l'émission. C'est la petite fierté de l'émission. Ouais, hein. On est bien content, on est bien content. En plus des indicatifs là, de François, là, Zor Black, c'est Western. Ouais, là. C'est ça, les vieux classiques. Monsieur Castegan, on va y aller pour terminer l'émission avec un top 10, parce que ça avance vite, ce timing-là. Un top 10 des jeux les plus, comment dire, unfair, en français, on pourrait dire quoi? Sacrant. Ouais, les plus chiants, on peut dire ça mais, comme ça. Mais pas parce qu'ils... Injuste, c'est ça. Voilà. T'es pas parce qu'ils sont mal codés ou des choses comme ça, ils ont été faits comme ça. T'es pour être injuste. Un mot, Street Fighter Alpha 3 Bison. Mais il est pas dans le 10. Non, il est pas dans le top 10. Non. Il y a, mesdames et messieurs, on va faire ça parce que l'émission, c'est, comme j'ai dit, ça se termine. Non, mais il n'y a pas d'émission après nous autres, on peut déborder. Mike, c'est sûr, c'est sûr. J'ai aucun argument contre ça. J'en débouche un autre. Ah. 3 heures d'émission! Non, pas 3 heures d'émission. Mais on va y aller, mesdames et messieurs, avec le numéro 10 de cette liste, Teenage Mutant Ninja Turtles 1989 sur la NES. C'est tout. Il n'y a pas de punch. J'ai aucun souvenir de ça. Le boot avec l'algue. Les algues, il fallait nager, désamorcer des bombes. Ah, c'était sacrant ça. Ouais, moi, je m'en rappelle. Tout joueur au Nintendo ordinaire qui a joué à ce jeu-là va se rappeler du fameux... Et du tout dans le mur que tu fais à coup de tête après. Et il n'y avait pas de continu. Non. Oh non. Ah non, ce jeu-là. Tu avais 4 tortues et c'était tes 4 vies. Ouais. Et les tortues avaient pas les mêmes armes. Non, c'est ça. Et rappelons-nous de Raphaël qui était, ma foi, très, très, très inutile. Contrairement à Donatello avec son gros bâton, toc, toc, toc, il pouvait toucher plein de trucs. Mais, ouais, effectivement, c'était un jeu qui était vraiment assez chiant et assez difficile. Au numéro 9, M. Castellanos, lui, je lui ai pas joué. Surfer sur 1990. Le surfeur d'argent de 1990. Ouais, c'est vraiment une grosse merde. Là. Ah ouais, t'as joué à celui-là? Oh, ouais. Pour ceux qui savent pas, c'est quoi? C'est mal programmé, c'est n'importe quoi. Là. Ah ouais? Oh, ouais. On parle de personnage Marvel assez obscur pour l'os moyen. Là. Ouais. Qui a une série télé assez obscure aussi dans le temps. C'est ce que j'allais dire. Ah, ouais. Des années 90, ouais, ils ont, en même temps qu'ils ont fait Spider-Man, ils ont fait X-Men. Je pense qu'ils avaient passé ça à Télétoon dans le temps. Oui, ils l'ont passé à Télétoon dans le temps que ça commençait. C'est vrai que ça coûtait pas cher. C'était pas bon. Puis effectivement, c'était pas bon. Non. Mais t'avais Hulk aussi qui était pas bon. Ouais, effectivement. T'avais juste après X-Men, Batman, puis Spider-Man qui était bon. Le reste, ils l'ont sorti comme un truc. T'avais Avengers, c'était même pas Captain America, mais qui était dans le générique. Ouais, puis plein de cochonneries de même, mais oui, Silver Surfer fait partie de cette vague-là. Mais tu sais, Silver Surfer, un personnage ultra puissant, on s'entend, là, il a des pouvoirs assez phénoménal dans les univers de Marvel. Genre, s'il débarque chez vous, tu le fais pas chier. Non, c'est ça, mais dans le jeu, c'est pas pareil. Dans le cas de la NES, c'est à cause que la hitbox était beaucoup trop grande pour le personnage. Oh, oui, c'est n'importe quoi. Là. Oh. T'accroches un mur, tu meurs. C'est tellement mal. Non, mais il meurt pas, il tombe en bas de sa planche. C'est poche. Je pense qu'on a fait le plateau. Le huitième hasard, j'étais impressionné par l'image qu'ils ont mis. Je vais te résumer ça par des balles. Et là-dedans, ouais, je crois voir que dans le bas, il y a de l'air d'avoir un bonhomme. Le nom du jeu dont on parle, le numéro 8, c'est le Mushi Ime Sama Futari. Ça a l'air d'un bullet hell, ça. Oui. Sauf que. Tu sais, j'ai jamais vraiment joué à un tout. Là. Mais tout a quand même une notoriété dans le domaine du shoot'em up. Ouais. Celui-là, il a l'air quand même quelqu'un. Appuyez sur start. Vous avez perdu. Quoi? C'est à peu près ça. Au numéro 7, M. Katsagan, Any Classic Game Show Game. Donc, tu sais, les jeux à la genre... Jeopardy, Wheel of Fortune. Next. C'est tough à la base, tout simplement. Numéro 6, de Shin Megami Tensei Series. Donc, de 1987 à de nos jours. Genre de série d'RPG. Et effectivement... De la gang de Persona, si je me souviens bien. Oui, exactement. Ben, Persona fait partie de la franchise Shin Megami Tensei. La tangente dans ces RPG-là, c'est qu'il y a deux scénarios possibles. Soit que le jeu monte d'un cran de difficulté d'une façon très rapide, et là, tu fais comme « quoi? » Puis tu te fais violer par la vie. Ou soit que tu dois dealer par du dungeon crawling, que tu dois t'aimer ton temps, et une vie sociale. Persona 3. Persona. Où là, faut que tu performe d'un point de vue social parce que ça débloque les personas pour être capable d'évoluer dans le dungeon crawling, mais si tu performes pas dans le dungeon crawling, ben à un moment donné tu restes bloqué puis tu peux pas évoluer. Fait que c'est ce genre de choses là là. Donc une série ma foi des plus injuste, on va dire ça comme ça. Et numéro 5, M. Castegan, tu vas reconnaître ce titre parce qu'on en a parlé à l'émission, un jeu, ma foi, des plus difficiles et des plus drôles, pareil. I Wanna Be The Guy, un jeu qui date de 2007 sur PC, un platformer complètement déjanté qui est, ma foi, au-delà du difficile, prêt pour beaucoup de l'impossible, on va dire ça comme ça. On meurt. C'est possible, il y a du monde qui l'ont fait. Oh oui. Mais je sais pas combien d'heures de jeu qui ont passé dessus. C'est mongol. Mais c'est un jeu qui est drôle à regarder le monde jouer. C'est ultra frustrant. Est-ce que tu as déjà joué à ce jeu-là, Eric? Non. Je te donne. Il nous parle de mémorisation puis d'essais-erreurs. Fait que c'est sûr que quelqu'un va le finir s'il se souvient de tout. Là, non, mais... non, mais Eric, va downloader le jeu. Il est gratuit sur le site. Tu le googleras. Mais prends pas I Wanna Be The Guy Gaiden. Tu prends le I Wanna Be The Guy. Mm-hmm. Tu m'en donneras des nouvelles. Donc, j'espère qu'il est gratuit, c'est tellement laid, t'as-t-il? Non, mais c'est un platformer, ma foi, des plus. Au niveau visuel, des plus classiques, mais préparez-vous pour la difficulté. Ben, numéro. Je l'ai la description, là, puis effectivement. Hein. Non, non, c'est n'importe quoi, mais c'est drôle en même temps. Numéro 4, ouais. Mortal Kombat 2, sur tout plein d'arcades, tout plein de consoles, effectivement. Passable seulement que Sub-Zero, si t'es un néophyte. Ouais. Sinon, oublie le projet. Parce que Shao Kahn, encore une fois, il bat des coups. Il est moins épique dans le 7, dans le dernier, là. Ouais, non. Non, je dirais pas ce que je veux dire. Ah, j'ai réussi à le battre dans le dernier. Oh, j'ai réussi. Avec Liu Kang. J'ai réussi, mais la manette a pris le bord de prendre la porte. Ouais, ouais. Pas la porte, la fenêtre une couple de fois. Là. C'est quelque chose, effectivement. Au numéro 3 de Mario Party Series. Au numéro 3, ah ouais, à ce point-là. Unfair, ok, oui, effectivement, des fois, on peut juste être pas chanceux, là, mais... Ouais, mais c'est ça, c'est à cause que tu peux avoir une avance considérable et tu tombes sur une série de jeux de chance. Mm. Ouais, mais ben, dans la même sens, on peut dire avec Dokapon, tant qu'à ça? Dokapon Kingdom? Ou c'est que tes amis vont juste te nuire? Ben, c'est pas unfair par le programming. Parce c'est unfair que... parce que tes amis, c'est des charognes. Non, c'est purement le contexte humain. Le jeu est conçu pour que tu y ailles faire chier les autres. Tandis que Mario Party, c'est une compétition pour amorcer des étoiles et c'est chiant quand il y en a un dans le groupe qui en a 8 étoiles juste parce qu'il a coupé la bonne corde dans le mini-jeu. Là. Non, non, c'est ça, c'est sûr. Mais ouais, c'est, de ce côté-là, mais je l'aurais pas mis au numéro 3, moi. Non. Numéro 2. Je n'ai pas le choix d'être j'ai pas le choix d'être en accord, en fait. C'est Battletoads 1991 sur la NES, et même ceux qui l'ont suivi sur d'autres plateformes sont assez difficiles. En fait, celui sur la NES est considéré comme étant un des jeux les plus difficiles de l'histoire. C'est assez quelque chose. On nommera parce qu'on s'entend qu'il y a du friendly fire, on s'entend assez facile de taper sur l'autre. Et aussi, ben, la fameuse course à obstacles avec les genres de ouais, et qu'à l'époque, la NES n'était pas assez forte pour faire le rendering. Fait que tu avais du clipping en innocent de bonsoir. Ouais, fait que... Ouais. Clipping étant que les éléments visuels apparaissaient partiellement ou pas du tout, ou clignotaient. Jeu très difficile, effectivement. Et le numéro 1, ça, je n'y ai pas joué. J'ai joué à la version... Laserdisc? Ouais, ou PC, avec le motion... Donc, la version originale. Ouais, le Quick Event. Mais là, la version 1990 du NES de Dragon's Lair. Ouais, c'est fantastique. Ça, c'est du jeu, C'est vraiment fantastique. Tu sais, le jeu commence comme la version Laserdisc. Tu dois franchir le pont-levis. Ça s'est arrêté là. Ouais. C'est malade. Non, c'est quelque chose, j'ai ce jeu-là. J'ai jamais été capable de franchir le pont-levis. Non, c'est malade. Hein? C'est j'aurais crissé la cassette au bout de mes bras si ça n'avait pas été sur mon arcade en émulation, mais bon, c'est... Non, c'est malade. Mais bref, numéro 1, je comprends sincèrement pourquoi c'est à sa place. C'est n'importe quoi. Mesdames et messieurs, il est 20h56. Est-ce qu'on défonce de quelques minutes pour trois nouvelles rapides? Ah ben vas-y donc, pourquoi pas, hein? Ben, premièrement, je ne pouvais pas m'empêcher, là, Eric va faire « Ah! » Warrior Orochi 3, confirmé sur PS4 et Xbox One. Oui, ben je l'avais ça dans mes pantoufles ici aussi. Là, la version Ultimate à part de ça. Oh donc, yeah! Là, on n'y est pas. Sinon, à part ça, ben Zelda Williams, la fille de Robin's Williams. Ouais. Robin Williams? Robin Williams, excusez-moi. Ben Robin, je pensais à Batman. Là. Mais tout ça pour dire, elle est invitée au E3 cette année. Ah ouais? Par Nintendo. Cool. Fait que là, le monde, il se dit, ça va être une annonce à propos de Zelda, je présume. Ça a de l'air que non. Mais on va faire une annonce. Robin Williams, The Game. Ah, ça serait malade, ça. Jumanji, The Game. Oh non, non, non. Mrs. Non. What year is this? Mrs. Doubtfire. Ça serait malade. Mais bref, Ça reste qu'il va y avoir une annonce mettant en vedette Zelda Williams. OK, ben ça sera à vérifier, mais... Et dernière nouvelle, après que Microsoft ait annoncé qu'il se lançait à la course à la Chine pour sortir la Xbox One, ben c'est Sony qui décide de faire de même avec sa PS4. Donc, je me demande laquelle des deux compagnies va avoir plus de succès. Les Chinois trippent pas tant sur les Japonais non plus. Donc, ce sera à voir. Mais... Moi, je prédis que c'est une copie qui va avoir plus de succès. Ouais. Ben, moi, je dis que déjà présentement. Ce qui est le fun en Chine, c'est que les droits d'auteur n'existent pas. Donc, si tu envoies ton console là-bas, n'importe qui peut la copier, faire la même affaire et jouer les jeux des autres. C'est que non, ben. On en avait parlé de toute façon. Ils vont appeler ça la Xbox. Ouais, c'est ça. Ben, il y a une couple d'émissions, on en avait parlé, puis on sait déjà que les Xbox la sont faciles. La PXbox 4. Mais donc, ça a de l'air que Nintendo emboîterait le pas. OK. Bon, ben, ce sera à vérifier. La guerre en Chine avec deux géants nippons et un Américain, ce sera à vérifier. Ça sent pas bon, cette histoire-là. Un Américain et deux Japonais en Chine, ça va pas être finalement, ça va être la Ouya qui va gagner. J'ai vu ça dans les films, on me semble. Possible. Mais, mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de Puissance Maximale. Et je tiens à remercier tout le monde, parce qu'on était quand même une bonne gang aujourd'hui en studio. Je tiens à remercier Marcus des Deux Snooze, qui est passé faire un tour tantôt pour nous parler de Watch Dogs, de son expérience, et de dire qu'on boit pas de la bonne bière, mais on n'est pas d'accord avec lui. Donc, ben, salut Marcus! Ben non, ben lui, il a un parti pris. C'est ça. Merci beaucoup, monsieur Julien Materne, d'être passé à l'émission parce que c'est ta fête. Ben, merci à moi. Et parce que t'as goûté de la bière, puis toujours tes commentaires cohérents comme ça, et on les aime. Merci beaucoup à monsieur Éric Lajeunesse, qui est venu nous amener encore deux excellentes bières. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour une autre chronique. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, Eric, d'être passé. Attends un peu, Eric, je veux t'entendre chanter encore. Happy birthday. Hey, merci beaucoup, monsieur. To you. Merci beaucoup, monsieur Andrew Castegan à la console. Merci d'avoir été là. Toujours un plaisir, monsieur Michaud. Bonne fête encore. Merci. Et bonne fête à monsieur Materne. Merci beaucoup. Et mon nom est Michel Michaud. Happy birthday. To you. Mon nom est moi, je suis maintenant troublé. Votre animateur, toujours content de parler jeu avec vous à chaque semaine. Je vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Allez écouter nos anciennes émissions sur ce site. Rendez-vous sur Facebook également. Allez aimer notre page et celle du pub La Revanche et celle de Pink Vivi, nos collaborateurs pour deux concours cet été. Surveillez ça sur la page Facebook. C'est lancé depuis ce matin pour le concours de Pink Vivi. Donc, allez partager les photos pour pouvoir participer à ce concours. Là. Et comme à chaque semaine, je vous souhaite une excellente semaine de jeu. We're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb. When I'm not out with my girlfriend, it's the end. Whoa, whoa, whoa, whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's the end. Warriors who terrify, it's D&D! Virgins, till the day we one, two, three, four, yeah! Yeah! Bonne semaine!